Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMD-FM 96.9 Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeu. Et je suis en compagnie de M. Andrew Castegan. Comment ça va, Andrew? Ça va bien, M. Michaud. Et là, grosse émission cette semaine encore une fois, M. Castegan, parce que là, on va parler bière. On va parler de quelques produits qui nous sont offerts par les gens du dépanneur tout près à Lévis, sur la rue Wolf. On va parler de trois produits. On va en parler tout au long de l'émission, parce que M. Éric, la jeunesse, malheureusement, n'est pas là cette semaine pour sa chronique, qu'on le salue d'ailleurs, qui est retenu à Montréal pour des raisons professionnelles. Ça fait que salut, Éric. On a quelques bières qu'on va goûter pour toi. On pourra t'en reparler lors de ton passage à l'émission. La prochaine fois, on va aussi parler avec M. Louis-Étienne Desgagné, qui va arriver un peu plus longtemps. Un peu plus tard, voilà. on va le dire, on a comme 26 000 affaires qui se passent en même temps, en débutant l'émission. On a quand même un petit problème d'ordinateur, donc je suis allé en chercher un autre. Et là, je suis tout en train d'allumer ça en même temps, donc voilà. Donc, M. Louis-Étienne Desgagné qui va arriver un peu plus tard dans l'émission, avec qui on va parler des trois listes, qui est un prix remis à des jeux de société, jeux de plateau, au Québec, entre autres. Et on va parler d'un des jeux qui s'appelle Rampage, qui va nous amener. Il était supposé l'amener le mois passé, mais il nous l'amène ce mois-ci. On va pas regarder ça. Moi, j'ai eu la chance de voir une partie se dérouler. Ça a vraiment l'air le fun. J'ai hâte que Louis-Étienne arrive, qu'on puisse parler de ça. On va parler de plein d'autres jeux aussi. Je sais pas si on va parler de tous les nominés, parce qu'il y a 15 jeux en nomination en tout pour les trois listes. Mais bref, on va parler de ça avec M. Louis-Étienne Desgagné et tout au long de l'émission. Moi et M. Castegan, on va vous parler une nouvelle ludique, bien évidemment. Et d'une façon. Hardcore! Voilà, hardcore. On l'a pris, non, c'est ça. Je l'avais dit la dernière fois que ça nous prendrait ce cut-là de la série What the Cut d'Antoine Daniel sur YouTube. Je l'ai fait avant de m'en venir tantôt. Andrew va être content. Donc, quand quelque chose sera hardcore, on pourra enfin dire. Et là, je regardais pas le volume, attendez un peu. Redis-le. Alors, à puissance maximale, nous sommes. Hardcore! Voilà. Voilà, nous sommes hardcore. C'est dit, mesdames et messieurs, on vous rappelle, bien évidemment, que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com, pour nous écouter, écouter nos podcasts, vous vous rendez là-dessus également. Et là, Andrew, possiblement une autre plateforme pour les podcasts qui s'en vient, c'est Mixcloud que ça s'appelle, pas mal toute la gang de CJMD s'en va là-dessus. Peut-être qu'on va aussi avoir notre chaîne, vous pourrez avoir les podcasts sur J'ai ma personnelle là, que j'ai créée pour faire des tests, là. Mais c'est pas ça. Du tout pour Puissance Maximale. Mais il y a des bonnes chances qu'on ait aussi notre channel Mixcloud où vous aurez peut-être la chance vous aurez la chance d'aller écouter à ce moment-là les podcasts, mais on va continuer quand même à les mettre sur le site de l'émission parce que ben, ça va nous faire un backup. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bref, il y a ça qui s'en vient. Donc, pour le site, bien évidemment, on vous invite à continuer à aller sur le site pour vos podcasts. Mais des fois, s'il y a des problèmes, ben, il y aura Mixcloud. Et on vous invite, comme à notre habitude, à venir sur notre page Facebook. Donc, vous tapez puissance maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Sinon, rapidement comme ça, c'est ça. Ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Ça fait pas mal le tour. C'est ça, mais j'ai plein d'affaires en même temps. Là. Je me sers de mon téléphone pour mon plan d'émission en attendant que je puisse booter avec l'autre ordi. Donc, je suis tout mélangé. Mais tout ça pour dire, mesdames et messieurs, que ça s'en vient. Et là, évidemment, vu qu'on va parler bière, ben, on va commencer en musique. Et là, on va commencer en musique avec une chanson que bien des gens connaissent. On va commencer avec un classique québécois de Monsieur Plume, La Traverse. Et ça s'appelle, bien évidemment, Cognac. On va vous envoyer ça dans vos oreilles à puissance maximale. Et à notre retour, on va parler bière. Donc voilà, puissance maximale à CJMDFM 96.9, la radio de la Rive-Sud à Lévis. Membrasserie de Promutuelle Assurance Bellechasse-Lévis. Partagez vos coups de cœur pour les organismes d'ici. Vous avez en tête un projet qui aura des retombées positives sur la communauté? Faites-le connaître avant le 10 octobre 16h30 et Promutuelle Assurance Bellechasse-Lévis pourrait remettre jusqu'à 10 000 $ à l'organisme à but non lucratif ou la coopérative de votre choix pour le réaliser. Au total, 125 000 $ seront remis en ristourne à vos organismes coup de cœur de la région. Pour tous les détails, surveillez vos hebdos du 23 et 30 septembre ou visitez promutuelleassurance.ca/bellechasse. Mettez vos lunettes sur votre banc. Assoyez-vous bien hardiment. Votre joint dans l'anus, votre bière entre les dents. Ça n'en prend pas plus chez les parents, chez les enfants pour faire un bon show. Oh, payez ça cher, faites ça comme il faut. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouverts à vos commentaires si vous payez le cognac. Si vous payez le cognac, coulez votre belle-mère dans le ciment, faites-y visiter le Saint-Laurent, pognez votre voisin d'arranger d'en avant, d'un ami qui a le coup de poing approché jusqu'à temps qu'il fasse un bon show. Ah, payez ça cher, faites ça comme il faut. Et ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouverts à vos commentaires si vous payez le cognac. Si vous payez le cognac. Oh yeah! De mayonnaise, puis détendez-vous sur votre chaise. Dites-vous qu'on est bon, même si vous êtes sourd. On a peut-être pas de nom, mais on se bat tous les jours pour faire un bon show. Oh, payez-vous cher, faites ça comme il faut. Puis ceux qui sont en tabarnak, ils viendront nous voir à l'entraque. On est bien ouverts à vos commentaires si vous payez le cognac. Si vous payez. Là, je joue aux jeux vidéo, mais me semble qu'il manque quelque chose. Ouais, ça manque de bière dans ce show-là. C'est le moment de la chronique bière et jeux. Santé. Santé. Et oui, de retour à puissance maximale. Vous avez entendu la toune de Plume La Traverse, Cognac. Et nous sommes de retour en bière. Mais, ben, messieurs, normalement, on est deux. On est trois. Pour goûter à la bière, maintenant on est deux, M. Castegan. Oui. Parce qu'Éric, il n'est pas là. Ben, on va boire ça à la santé d'Éric et à sa formation en anglais. Tu me manques, Éric. À Montréal. On ne sait pas, peut-être qu'il nous écoute. ben, on, qui sait. Voilà, ça fait que là, on va commencer, en fait, mesdames et messieurs, avec une bière, ma foi, des plus intéressantes. J'en ai pris une petite gorgée comme ça. Quoi? Rapide. T'as fait ça? Ben oui. Moi qui attendais. Oh mon Dieu! Là, j'ai pris une petite gorgée. Ah, ça va bien, c'est une petite bière légère. J'ai été trompé, mesdames et messieurs. Et là, je vais faire la description du produit. On parle d'une bière de la brasserie À l'abri de la tempête. Donc, on se rappelle, excellente microbrasserie des Îles-de-Madeleine. Bien du monde qui aime ça, dont nous, à puissance maximale. Moi, j'aime bien. Il y en a une bière avec un petit fond salé. Là, j'avais bien aimé ça. Oui, c'est l'écume. Oui, elle est vraiment bonne. Et là, on a quelque chose entre les mains. Une bière qui s'appelle Palabre Grand Cru. Une bière des îles, on dit bière rosée et délicatement aromatisée, élaborée avec de la pulpe de canneberge récupérée lors de la confection des petits pots de douceur gourmande de nature. J'imagine un commerce local là-bas. Cette bière douce et raffinée se déguste autant à l'apéro qu'au coucher du soleil. Note de fruits, vanille et alcool, bien évidemment. On parle d'une bière au canneberge. On a une bière, j'ai la bière entre les mains, c'est une bouteille standard de 341 millilitres. Et là, mesdames et messieurs, à combien de pourcents d'alcool vous pensez que cette bière se détaille? 6. 10! Hein? 10! Et c'est une bière forte, et bien évidemment, c'est inscrit sur la bouteille. 10! Attends un peu! Quoi? 10% d'alcool, M. Castegan. Ah, ça y est, on comprend plus notre char en sortant du site. Attends un peu, là, c'est approprié. Hardcore! Voilà, bière de fruits hardcore, effectivement. Et là, on va y goûter. Donc, santé à M. La Jeunesse et santé à vous, chers auditeurs de puissance maximale. OK. J'en ai bu des bières traite dans ma vie. Mais là, on est ailleurs, hein? Et celle-là, je dois avouer que son 10%... On ne le goûte pas du tout. On ne le goûte pas. Ça goûte la bière, faut le dire. Ça goûte pas le cooler cheap. En fait, au niveau de la canneberge, on sent l'acidité de la canneberge. Mais c'est pas un goût qui prend toute la place. C'est vraiment la petite finale. Ouais, mais j'ai l'impression que là, on parlait justement sur la bouteille d'arôme de vanille. Je le sens pas beaucoup, mais j'ai l'impression que ça vient tempérer justement. Là. Parce que tu sais, la canneberge de base, tu sais, quand c'est pas un jus de canneberge, tu sais, cocktail avec d'autrui, tu sais, de la canneberge tout seul, c'est râpeux, on va dire. Ouais. Puis c'est vrai que c'est acide, mais avec le petit côté vanille, j'ai l'impression que ça vient tempérer le côté fougueux de la canneberge, on va dire ça comme ça. C'est ça, une bonne bière acidulée, mais ça goûte la bière, par exemple. Tu sais, des fois, il y a des bières, on en parle souvent à l'émission. Est-ce que tu vas mettre la petite photo en ligne? Oui. Ben là, parle tout d'abord. Oui, donc, une bière qui ressemble quasiment à une blanche. Si on regarde en frais de... On dit une bière rosée. Oui, ben c'est ça. C'est effectivement ça, mais c'est une robe de blanche. Une robe de blanche, tu sais, parce que c'est pas de style blond. Tu sais, on reconnaît l'aspect opaque, tu sais, qu'on retrouve souvent là, dans les blanches. Un petit gaz fort agréable, je dirais, pas trop. C'est un gaz? Ben, le pétillant, là. Un petit pétillant, ouais. Ben, le petit pétillant. Pas trop intense. T'sais, des fois, tu bois des bières aux fruits, là, puis t'sais, c'est... Ça vient frapper, là, à cause qu'ils ont mis de l'azote en quantité industrielle dans la bière, là. Ouais, mais non, c'est ça. Ça se prend bien. C'est pas tannant. Non, t'avais raison. Sans farce, impressionné. C'est un bon produit. Non, c'est ça, c'est léger. Ben, c'est ça qui est malade. C'est léger au goût. Ça toque pas. Ça goûte aucunement 10%. Ça goûte aucunement 10% d'alcool. Je demande un second avis d'un expert pour mesurer le niveau d'alcool de cette bière-là. Je le bois. Puis, ça goûte moins l'alcool qu'une Labatt 50. Oh oui, non, il y a des bières commerciales à 5, 4, à 4, à 5. 4, 5 qui goûtent plus l'alcool que ça. Tout à fait. Non, c'est c'est malade, moi je capote. Mais ça, c'est dangereux. Puis ça tombe bien que Marie, justement, du dépendant de tout près, nous ait sorti ça là, pas en plein été. Imagines-tu? Parce qu'ils viennent les recevoir. C'est ça, imagines-tu? Ça, c'est une nouvelle série que la microbrasserie À l'abri de la tempête a sortie pour la saison hivernale. C'est une bonne idée qu'ils aient sorti ça pour là. Puis moi, je sens que je vais être un bon consommateur. Hey, t'imagines-tu sur une terrasse? Frette? Ah, c'est fou. Là, tu te lèves les deux. Tu essaies de te lever après 3-4 bières de même là, au soleil à 10%. C'est très, très traître. Bon, je vais finir mon post Facebook. Continue à parler. Mais juste pour te dire, dans la série des palabres comme celle-là, oui. Ils vont sortir La palabre de la corne de glace. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi? Vas-y donc. Une corne de, c'est la corne de brune, donc la Scotch Ale. Ouais. Version bière de glace. OK. Oh, hey, ça peut être prometteur. 14 % d'alcool. Oh! Pour les hommes. Pour les hommes. Non, on va dire ça les... comme ça. Ah, mon Dieu, c'est... Là, je résiste, là. Pourquoi tu vas donner ce nouveau indicatif, là? Non. Là, arrête, là. Il faut pas trop en abuser. Parce que là, les gens vont se tanner. Qu'on soit si... Ah, ben là, c'était ton cue, là. Ben non, t'as dit faut modérer. Ah, non, quand c'est moi qui dis, c'est correct. OK. Donc... Voilà. Bière hardcore, quand même, à 14% Scotch Ale, ça va être quelque chose. Y a-tu d'autres choses qui s'en viennent, d'autres produits comme ça? Ben en fait, c'est ça que je suis en train d'essayer de regarder, voir s'il y a un détail au niveau de... Au niveau des de la nouvelle série Palabre. Je sais qu'au dépendant tout près, on m'en a montré plusieurs, mais ils sont pas encore intégrés sur le site. C'est vraiment sur la front page qu'on parle rapidement. Comme celle-là est même pas sur la page principale du site actuellement. Là. OK. Donc c'est vraiment tout nouveau. Là. Même le site du microbrasseur l'a pas là, actuellement, là, pour vous donner une idée. Là. Et là, non, mais sans farce, je suis flabbergasté, moi, par cette bière-là. Voilà, c'est... Je m'en étouffe! Hey, toi, là, fais attention à ce que tu fais, là. Non, franchement, assez impressionné du produit. Très bon. Il n'y a pas... Mais je suis sûr qu'Éric aimerait ça parce que c'est pas trop fruité. Non, c'est ça. Puis, il y a un bon arôme, je te mets l'acidulé. Fruité, on le sent, mais c'est pas... Ça goûte pas, c'est ça, je le répète, là, le cooler cheap, là, ça goûte pas la bière, l'alcool de malt. Là, la verse une larme, tellement je t'ai mu. Ben, je vois ça. Tu vois que la bière à 10%, c'est pas faite pour toi. À cause qu'elle a passé dans le mauvais trou. Ah, OK, d'accord. Mais non, sans faire, je suis vraiment content. Une méchante belle découverte. Merci à Maryse, d'ailleurs, de nous avoir sorti ce beau produit-là. Ben, tu sais, comme elle faisait avec Eric, elle m'a demandé qu'est-ce qu'on voulait. OK. Et moi, j'ai dit, ben, t'as-tu des nouveaux produits, des choses que tu veux mettre de l'avant? Donc, elle m'a montré cette série-là. Et quand elle a commencé à m'énumérer les sortes, c'est pour ça que je ne m'en rappelle plus, malheureusement, j'aurais dû prendre des notes. Quand elle m'a dit une bière au canneberge, j'ai fait « Oh, je sens qu'on a un gagnant ici. » Non, c'est ça, tu savais que j'allais... Ben, en fait, je voulais profiter du fait qu'Éric n'était pas là pour justement emmener une bière fruitée. Parce que je le savais... Ben, il l'aurait aimé, il y a 10% en plus. Non, mais il l'aurait aimé. Mais c'est à cause, je suis pas mal sûr que lui, il aurait été probablement avec la corne de glace, justement. Ah, mais elle, es-tu déjà sortie? Es-tu disponible? Ben, il me semble que oui. Il me semble qu'elle était dans ceux-là qu'elle a énuméré Maryse quand je suis allé au dépanneur tout près tantôt. OK. Ah, et ça, il va falloir effectivement se lancer là-dedans, peut-être le mois prochain. Ouais. Parce que là, si tu me dis que c'est pour, disons, justement, bière hivernale, on va pouvoir en profiter tout, justement tout l'hiver et cet automne aussi. Donc, on pourrait peut-être se lancer justement dans cette autre bière-là de la gang à l'abri de la tempête. Parce que là... Non, c'est malade, à 10%. je suis vraiment curieux de goûter qu'est-ce que ça goûte une Scotch Ale d'hiver à 14%. Je suis vraiment, vraiment curieux. Bref, tout ça pour dire qu'on a vraiment quelque chose de... Ben, juste pour vous dire, la Comte de Brume, qui est la bière régulière, là, oui. Elle a été classée par le site ratebeer.com comme étant la meilleure Scotch Ale au monde. Ben, ça m'étonne. C'est à l'abri de la tempête, c'est une des meilleures microbrasseries au Québec de base. Là, je voulais prendre une gorgée, mais là, t'en prends une. Marche pas. C'est très bon. Non, c'est ça. On n'a comme pas envie. On n'a plus envie de vous parler, mesdames et messieurs. On veut boire. Mais là, il faut qu'on tombe au vif du sujet pendant que tu prends une gorgée, M. Michaud. Oui, ben j'allais justement te poser la question. Vas-y. À quoi qu'on joue? Mais j'ai une bonne question. En buvant ça. C'est doublement dangereux parce que c'est rafraîchissant. Là, tu te fais pas boire tout plein. Et mais non, c'est à 10. Le pire de ça, c'est que ça rafraîchit. Puis tu sais, la première idée que j'ai eue, je me suis dit, crème, il me semble que je jouerais un jeu, là, tu sais, que je bouge un peu, là. Mais en même temps, avec 10% d'alcool, oublie ça, là, on s'écrase tout de suite. Ah non, c'est ça. Tu joues pas à DDR en buvant ça. Là, non, effectivement. Là, des fois, tu pourrais dire, ben, évidemment, si Eric était là, on dirait on jouerait à la borne d'arcade d'Eric. Ah, mais ça, c'est le Joker, ça. On sait pas quoi mettre. On va mettre ça. Borne d'arcade, tout simplement. Mais ça fait, je sais pas. J'aurais peur, moi, de jouer avec ça. Parce que, d'ailleurs, j'ai. Mais en fait, définitivement, moi, je jouerais un jeu de société, pas trop lourd. Je dirais Zombie Dice, Cthulhu Dice. T'es dehors. Ou même une game de Smash Up ou de King of Tokyo. Ouais, là, c'est ça. Mais t'es un jeu vite, qui prend, t'es qui va vite, là, t'es qui est pas stagnant, là, t'es que ça roule. Non, parce puis, que c'est comme pas une game de Munchkin qui peut s'éterniser. Genre. C'est ça. Puis t'es pas une game de. C'est quoi j'allais dire? ça t'affecte risque. Plus. Ah non, non, ben là, c'est ça. Pas ce genre de jeu-là, là, qui prend de la place, puis il faut évaluer des choses, tu sais. Pas un jeu de gestion. Là. C'est ça, t'es un jeu où on pense pas, on pile des affaires, puis go, on y va. Puis t'es en plus qui peut bien se jouer sur une table d'une dimension bizarre, sur une terrasse, t'es avec des amis, puis des choses comme ça. Les jeux de cartes, ça aide aussi. Là. Ben c'est ça, mais t'es avec l'été indien qui s'en vient, là. Fait que t'es, c'est, ouais, parce que là, hier, on se gelait, puis là, il fait comme 22 aujourd'hui. Ouais. C'est, ma foi, assez... Il annonce assez chaud en fin de semaine. En fin de semaine, il annonce comme 30. Et là, on est en train de parler de température et puissance maximale, c'est l'enfer. Ah non, le retour, qu'as-tu fait sur nous? Non, non, c'est ça. Mais non, c'est vraiment... ouais, non, dans le jeu de plateau comme ça, léger, où justement, là, game de Cards Against Humanity, là, ouais. Ça se prendrait bien là-dessus. Puis c'est niaiseux, là. Sûrement, parce que c'est toi qui va parler, mais... ouais, mais t'es... avec modération, là, t'es, je parle pas 8, là, t'es, j'en prends, je parle une, ou peut-être deux, t'es dans la soirée, je boirais ça, moi, je m'en bats à Pathfinder. Oh oui, parce que les games, de toute façon, une game de ben, une game de jeu de rôle, finalement, en jeu de rôle, on est, en tout cas, moi, je bois pas tant que ça, quand j'ai une bière entre les mains, c'est rare que j'en prends plus que deux dans une game de jeu de rôle. Non, mais c'est ça, mais t'es, justement, on en prend une ou deux, parce que t'es, on est focus, des choses comme ça. Moi, je sais que j'aime bien les stouts. T'sais, quand je prends une bière pendant une partie, j'emmène une... excusez-moi. J'emmène une stout, généralement, parce que c'est dans mon optique de déguster la bière. Fait que là, le fait d'avoir cette bière-là qui est à 10%, qui est très, très légère, beaucoup moins pesante qu'une stout, je trouve que ça serait une bonne candidate, là, justement, là, pour une game de jeu de rôle, là. Non, t'as tout à fait raison. Ça, affaire, ça se boit très bien. Ouais, jeu de rôle, jeu de plateau léger. Ouais, c'est parce que dans le jeu vidéo, un platformer, non, j'avais en fait, envie de dire. Parce que, dans le jeu vidéo, je te dirais qu'elle pas mal passe partout. À part peut-être les RPG. Ouais, parce que là. Parce que les RPG, on s'assied pour des longues sessions de jeu. Ouais. À moins qu'on joue avec le même principe que Pathfinder, là, qu'on boit une ou deux bières. Mais tu me semble que quand t'es à la maison, t'as pas besoin de prendre ta voiture. C'est là que t'as le goût de lâcher un peu ton foufou. Là, t'es en prendre un peu plus. Fait que t'es de l'optique, ouais, que t'es, tu peux arriver puis dire « Ah, t'es, je vais me gâter. Un RPG, là... » Mais je serais curieux d'y goûter un peu plus chaude. Parce que là, elle est quand même assez fraîche, là. On l'a sorti du frigo tout de suite après l'intro de l'émission. C'est que c'est quand même assez frais. On va partir une toune, mettre tes mains autour, ouais, du verre. C'est ça, puis on en reparlera après. Non, mais... ça en fait, je serais curieux, ben, parce que dans une game d'RPG... Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai, d'après le feeling du goût que j'ai, si elle devient plus chaude, j'ai l'impression que ça va être le goût de canneberge plus prononcé. Que l'acidité va être plus fort. Ouais, ah ouais, sûrement. Ce serait, ouais, ça va être attesté. Faut s'en racheter, Andrew. Ouais. Pas le choix. Bref, un achat, vraiment un achat à faire pour cette bière, la Palabre Grand Cru. Donc, bière des îles, bière aux canneberges, bière forte. D'ailleurs, c'est pas pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Combien de canneberges sur 10 tu donnes? Ah, moi, un 9. Ah, oh oui, un gros neuf, là, sans hésitation. Je suis devant un produit que, au niveau du goût, c'est là, ça goûte la bière, c'est un côté fruité, mais pas trop envahissant. Le petit côté acidulé, c'est vraiment, vraiment bienvenu. Puis, le pourcentage d'alcool, je trouve que c'est bien qu'on ait une bière de caractère. Fruité. Je trouve ça intéressant, moi, qu'on nous amène ça. Ben, je t'avouerai que quand j'ai pris ma première gorgée tantôt, j'ai pas pensé du tout, puis là, tu l'as confirmé aussi, que ça allait être quelque chose à 10%, là, loin de là. C'est que moi, je suis bien content de retrouver un produit comme ça. Toi, de ton côté? J'y vais avec un 9 aussi, sans hésiter, parce que ça vient toucher ma petite portion de gars qui aiment les bières fruitées. Mais en même temps, avec le caractère d'une bière, avec du punch là, que j'ai le goût d'aller goûter quand que je déguste une bière. Ouais, mais de toute façon, de base, moi, les bières, je suis de plus en plus bière forte depuis un bon bout de temps déjà. Donc, quand je tombe sur un truc du genre, je suis vraiment content. Donc, voilà. Palabre Grand Cru, bière de la microbrasserie à l'abri de la tempête, microbrasserie des îles de la Madeleine. Salutations à nos auditeurs madelinos, bien évidemment. Et merci à cette microbrasserie de nous fournir des produits aussi bons à déguster, autant à l'émission que dans nos vies respectives d'alcooliques ou de consommateurs modérés. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était la première bière. Nous allons en déguster deux autres tout au long de l'émission. Mais avant toute chose, on va partir en musique. Avant de revenir en nouvelles ludiques, on va y aller avec un vieux classique. En fait, un vieux classique. À peu près la seule tune que j'ai vraiment beaucoup aimé du groupe Sum 41 de l'époque. Et ça s'appelle We're All to Blame. Dans vos oreilles, à puissance maximale, à CJMDFM 96.9, Lévis! One in all. Are we singing? Take everything left from me. All to blame. How can we still succeed taking what we don't need? Telling lies, alibis, selling all the hate that we breathe. Messieurs, il est l'heure des nouvelles ludiques à puissance maximale. Et oui, de retour à puissance maximale, vous avez entendu We Are All To Blame de Sum 41. Et nous sommes de retour pour vous parler, bien évidemment, comme vous l'avez entendu, de nouvelles ludiques. Et normalement, M. Castagan devrait commencer par sa chronique. Saviez-vous que... Oui! Comme à chaque émission, il l'oublie! Mais non, mais non! C'est pour laisser flotter le suspense! Ça flotte pas mal tout le temps, Andrew. Faudrait que tu fasses de quoi, là? Faut que je t'écrive Mais non, un mémo sur ton écran. Non, mais je. Je le lis, là. Vas-y donc. Saviez-vous que... Oui! Le jeu Splatoon, un jeu qui avait été montré pour la Wii U lors du dernier E3, où on était des genres de bonhommes avec des têtes de pieuvre qui lançaient de l'encre. C'était un jeu, il fallait recouvrir le plus possible la map d'encre. Ouais. Tu t'en rappelles? Ça t'avait pas du tout impressionné. Non, effectivement. Mais il y avait du monde quand même qui ont hâte à ce jeu-là. Bizarrement, oui. Mais saviez-vous que, à la base, c'était supposé être un jeu Mario? Ah ouais? Oui, et une suite à part de ça. Elle était déjà prévue? Oui. OK. C'était supposé être la suite de Super Mario Sunshine. Et là, c'était Super Mario Blackout? Non, mais tu sais, le principe, c'était supposé être la suite de Super Mario Sunshine, oh, mais oui. Finalement, ils ont décidé à la dernière minute de tout simplement faire « Ah, ben crime, Mario Sunshine, on lave des trucs. » Ça pourrait être drôle qu'on fasse un genre de jeu compétitif où on salit des trucs. Fait que c'est ça qui est venu à ce plateau. D'accord. Oui, je le sais, il est un peu décevant. Ouais, ben, en fait, c'est le fun, c'est intéressant quand même, mais c'est pas un gros scoop. T'en as pas un autre, là, plus enlevant? Ben, t'as peu. Je vais aller à la page 97 du site. On sait jamais. Peut-être tomber sur quelque chose de nouveau. Ouais. Next time, tu le prépareras d'avance. Chercher des nouvelles. Moi, j'attends. Moi, je parle plus tant qu'Andrew n'a pas trouvé quelque chose d'intéressant. Ça pourrait être long, par exemple. Dans The Witcher 2. Oh! Hein? Là, j'ai piqué ta curiosité. Uh-huh. Vous pouvez trouver Altaïr de Assassin's Creed mort face contre terre dans une mare de sang à côté d'une botte de foin. Ils disent pas dans quel coin? Non. Ils feront juste dire « vous pouvez ». Oui. Ben, calvasse. Ah, ouais. Puis, dans le fond, la position qu'il y a, c'est comme s'il aurait manqué la botte de foin en faisant son fameux saut de l'ange. Ah, c'est bon, c'est bien passé. Il faut que je retourne, faut que je rejoue à Witcher 2 pour aller voir ça. Hein? Ah, là. Vous êtes impressionné. C'est bon. Je t'envoie le lien. Excellent. Et autre nouvelle, écoutez, une nouvelle assez... en fait, c'est pas surprenant. Est-ce que c'est une nouvelle triste? Ben non, pas vraiment. Ah. Et en fait, c'est Google qui abandonne progressivement Google+. Ben, juste parce qu'ils l'ont intégré à YouTube. Ouais, mais en fait, il semble, et là, je tiens la nouvelle du site branchezvous.com, en fait, où on nous dit que Google songe à quitter le navire, justement, des réseaux sociaux, malgré le fait, justement, qu'il est, en fait, une des seules façons qu'ils ont réussi à faire survivre leur Google+, c'est justement en forçant les utilisateurs YouTube de se créer ou d'intégrer leur compte Google+, à leur compte YouTube. Et là, on nous dit, justement, que... Après, il y a 3 mois environ, ils avaient annoncé justement, il y avait quelqu'un qui est un des dirigeants, puis là, ma Christie de page Internet a de la misère, Vic Gundotra, qui a piloté le projet Google+, a annoncé qu'il quittait après 8 ans chez Google. Donc, devant la nouvelle, le géant de la recherche a tenu à rassurer les utilisateurs de son réseau social en déclarant que la survie de ce dernier n'était pas menacée. Ça, c'est il y a 3 mois. Mais là... Puis en plus, un peu après ça, ben, il y a eu justement l'obligation pour les gens d'utiliser leur vrai nom sans pseudonyme, ces trucs-là. Il y a ça qui s'est rajouté aussi. En plus, ils ont retiré le balisage des informations relatives à l'auteur des résultats de son moteur de recherche. Donc, une fonction qui était nommée Google Authorship. Qui affichait le nom et la photo de l'auteur d'un article à côté d'un résultat correspondant à la requête. On avait enlevé ça également, puis sans compter d'autres trucs. Là. Fait que le coup de gaz aurait été donné justement la semaine dernière. Dorénavant, les utilisateurs qui souhaitent ouvrir un compte Gmail, YouTube, Google Drive ou Google Play ne sont plus tenus de s'inscrire à la fois à Google+, depuis la semaine passée. Fait que là, je pense qu'effectivement, ça va être la fin, tranquillement, pas vite, de Google+. J'avais pas compris à l'époque quand Google Plus est arrivé. Il y a bien du monde qui disait « Ah, ça va être encore une fois, mot galvaudé, révolution, c'est vraiment meilleur que Facebook, nanana. » Moi, je trouvais que c'était pas user-friendly du tout. C'était en tout cas, je trouvais que c'était un peu le chaos au niveau visuel non, là-dedans. Il y avait un argument. En vrai, c'était quoi? C'était pas Facebook. Ah, ben là, c'est ça. Ouais, effectivement, les directeurs de Facebook ont eu bien le droit de pas aimer et de préférer Google+. Mais visiblement, ça n'a pas percé et ça ne percera plus. Il n'y aura plus grand-chose qui va se passer avec ça. Donc, si vous étiez un ardent défenseur de Google+, sachez que c'est la fin. Tranquillement, pas vite. Monsieur Castigan. Nintendo fêtait son 125e anniversaire cette semaine. Hourra! On est content. Bonne fête à Nintendo, de toute l'équipe de puissance, la part de toute l'équipe de puissance maximale. Il faut savoir que Nintendo était une petite société japonaise qui produisait des cartes à jouer à Kyoto à partir du 23 septembre 1889. Donc quand même, depuis le 19e siècle, c'est pas rien. Exactement. Puis il faut pas oublier que Nintendo a quand même su, avec un plan d'affaires très bien monté, se grimper comme étant un des géants de l'industrie du jeu vidéo. Parce qu'il faut savoir que Nintendo a fait sa percée à l'époque de l'âge noir du jeu vidéo, à la fin du Golden Age. Après que Atari ait tout détruit, donc non, Nintendo est arrivé comme le sauveur et ça, il s'est même battu contre des géants américains pour maintenir maintenir sa position. On parle ici de Donkey Kong versus Universal Studios qui vous disait que c'était une violation de droit au niveau là, de King Kong. Non, c'est ça, parce que là, t'as Donkey Kong, le gros gorille qui attaque. Et là, tu fais, ouais, à un moment donné, là, le droit universel sur les gros gorilles, on repassera. Là. Mm. Non, mais je suis vraiment content. En plus, tu sais, Nintendo, qui a quand même longtemps été un géant, est maintenant souvent considéré comme l'underdog, vu que c'est pas un hardcore. Au niveau des gamers, Nintendo c'est moins vrai, parce que là, avec la Wii U puis les gros titres qui sont sortis récemment, on prend Nintendo plus au sérieux. Mais ça, on se rend compte que financièrement, c'est pas mal la compagnie de jeux vidéo qui a vraiment les reins les plus solides. Et on en a déjà parlé à l'émission. Là, que... Sérieusement, j'ai l'impression que Microsoft et Sony ont l'occasion en masse de se planter avant que Nintendo se couche et ça vous vaincu. Ouais, tout à fait. Non, je pense qu'il y aura... Il n'y a rien. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à l'épreuve de Nintendo. Ils ont leur niche. Ils sont populaires dans cette niche-là. Ils sont performants. Des fois, malheureusement, ils ratent le coche. Ça en prend un peu de temps à prendre le rythme qu'ils devraient avoir. Mais quand même, c'est vraiment. Je suis vraiment content qu'ils soient là. Et ça fait aussi une offre différente au niveau du gaming. Là, parce que je vais être bien franc avec toi au niveau de Xbox, au niveau de PlayStation. PC aussi, même si je suis un gros joueur PC, on a souvent les mêmes offres. C'est pas très différent. Oui, il y a des super bons. La plupart du temps, il y a des super bons jeux. Mais c'est le fun, les jeux qu'on retrouve sur les plateformes Nintendo. C'est différent, puis on aime ça. Fait que félicitations à toute la gang de Nintendo. Effectivement. T'as l'air d'avoir toujours des problèmes. Ouais, là. Il va falloir qu'il se passe de quoi. Mais je vais m'arranger, inquiète pas. Je te suis, Endo, je te suis. Tu peux continuer. Mais je t'ai envoyé une nouvelle sur Facebook en début de semaine à propos de Assassin's Creed. Ouais, le Season Pass, en fait, qui s'en vient et qui va nous permettre de sortir de l'Occident et de nous rendre vers l'Empire du Milieu, on va dire ça comme ça. La Chine. Exactement. Enfin, Assassin's Creed débarque en Asie. Mais pas n'importe comment. Non. On va jouer ici Chao Jun, qui, grâce à l'enseignement reçu auprès d'Ezio, va devenir un assassin hors pair qui agit dans l'Empire du Milieu au 16e siècle. Donc, ouais, mes chiffres romains m'ont boqué un petit peu. Non. Mais là, on va parler ici OK, c'est un disciple d'Ezio, c'est cool. Oui, une. Une, ah. Une. Mais moi, On a une femme. Ben là... C'est correct, c'est le fun. Gabriel, il va être content. Mais bref, ça va être un gameplay se rapprochant beaucoup des versions portables d'Assassin's Creed où on parle d'une vue mêlant 2D et 3D. OK. Donc, on parle d'un peu de side-scrolling avec combat en 3D, avec un système de climax qui a déjà été travaillé là, dans les jeux de Prince of Persia. OK. Ah, ouais. J'ai hâte de voir ça quand même, le 2D puis la 3D... qui se mélange comme ça, ça m'intrigue. Bon, ce sera à voir. Et il y a aussi Assassin's Creed United Dead Kings. Qui va être un DLC, ça, pour Assassin's Creed Unity. Oui, exactement. Voilà. Qui va se passer à Saint-Denis. D'accord. Là où ils ont enterré les anciens rois de France. Et là, et non pas à Saint-Denis de la Bouteillerie, dans le comté de Kamouraska, au Québec. Non. Non. Malheureusement, il n'y a pas tant d'action. Il n'y a pas assez de Templiers à Saint-Denis de la Bouteillerie pour causer quoi que ce soit. Okay, certains auditeurs de ma région natale écoutent l'émission. Ben, mon Dieu, il a réussi à plugger Saint-Denis de la Bouteillerie dans une émission en parlant d'Assassin's Creed. Mm-hmm. Un morceau de robot pour moi. Voilà, c'est fait. Et voilà, c'est Monsieur fait. Castegan, autre nouvelle, peut-être une dernière avant de partir en pause musicale et pour peut-être une deuxième bière. Oui, ben GTA V gagnerait un mode première personne. Donc, tu veux, j'élabore, OK. Oui, c'est ça. Tu veux prendre absolument ta gorgée. Oui. Donc, en fait, ça serait sur une page du support de Rockstar qui a été supprimée, mais qui serait accessible grâce au merveilleux Google Cache. qu'on peut avoir une liste des nouveautés de la version PS4, Xbox One et PC de GTA V. Et surprise, on découvre la mention d'un tout nouveau mode à la première personne accessible aussi bien en voiture qu'à pied. On restera prudent sur la question en attendant le retour de la page et de voir le rendu de la chose surtout. Moi, je suis curieux de voir ce que ça pourrait donner en première personne en GTA. Déjà, qu'en trois, en tout cas, voir toute l'action des fois en même temps en troisième, c'est difficile. C'est que s'imagine en première, mais bon. Ah, ce serait à tester, mais je suis pas convaincu. Ça a l'air qu'il y aurait une pelletée de nouveaux événements pour le mode histoire. Ah, ben tant mieux. Ben, en fait, ça fait longtemps qu'ils nous avaient promis un DLC. On attend. Hey, ça date du mois d'avril dernier. Là. T'es supposé avoir un DLC qui nous permette de faire les heists. Les gros coups, là, les gros vols de banque là, dans le multiplayer, on attend toujours. Puis il était supposé avoir dans ce DLC-là aussi des rajouts pour le mode solo. Et on attend toujours. Là, Rockstar, j'aimerais ça qu'il se passe de quoi, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué mon Grand Theft Auto, mais ça me tenterait de recommencer. Mais à chaque fois que je repars le jeu, je fais « Ah! » Je m'attends après 20 minutes. Je fais « Bon, ben, je vais passer à autre chose. » Mais j'aimerais ça rejouer. Je dis ça comme ça. Monsieur Castegan! Il est temps de retourner en pause musicale. Même pas une dernière nouvelle? Ah ouais, donc. Moi, tu fais plaisir. Ben, avec la venue de Metal Gear Solid 5, il y a eu des trailers, des images, des choses comme ça, mais là, bien évidemment, Metal Gear, il faut savoir que Hideo Kojima, généralement, c'est un homme qui aime bien faire du what the fuck-est avec ses scénarios de jeu et surprendre ses joueurs. Et là, il y aurait des théories au niveau de l'histoire parce que, oui, c'est un jeu open world, oui, c'est un Snake et un bras métallique et des choses comme ça, mais où ça se situe dans la timeline de Snake? Là est la question, oui. Et là, une des grosses théories qui roule sur l'Internet à propos de Metal Gear Solid 5 se résume comme suit. Et si tout ceci n'était qu'un rêve? Ah non, pas ça. Ah... Soufflet. Parce qu'en fait, tout tourne autour d'un événement bien particulier, le coma de Big Boss, après les événements du prologue Metal Gear Solid 5 Ground Zero. J'ai oublié de dire une chose. Spoiler alert! Ouais. Ça nous prendrait ça aussi. Spoiler! Alerte, spoiler! Ah, je vais essayer de trouver ça. On va te faire plein de boutons et nous, tu vas être content. Ouais! En plus, il y a plus de boutons sur le nouveau Jazzler, c'est vraiment bien. Yeah! Mm-mm. On parle de Jazzler, c'est le système de diffusion de la station. Ouais. Qui a été updaté. Donc, Andrew est content. Ouais. Plus de boutons. Plus de boutons. OK, ben là. Moi, je trouverais ça. Moi, je sais pas. En tout cas, tu sais, c'est comme le. Tu sais, on se rappelle tous de notre Mario 2 à nous. En fait, qui était considéré comme le Mario 2. Mais qu'en réalité, c'était Doki Doki Panic. Ouais, c'est ça. Ben là, on se rend compte qu'à la fin, c'est Mario qui rêvait. Et que ça n'a rien à voir avec Mario. Là, tu fais. Tu me niaises. Mais je vous invite à aller sur YouTube et rechercher 6 MGS5 Fan Theories So Crazy They Might Be True. Ah, c'est bon. Allez voir ça sur les internets. Monsieur Castegan, partons en pause musicale immédiatement et vous allez voir que ça va vous réveiller. C'est une demande spéciale de Monsieur justement Éric Lajeunesse, mais malheureusement, il n'est pas là. Mais j'ai dit que j'allais la passer, donc elle passera. Cette chanson s'appelle Walk With Me In Hell. Là, préparez-vous. C'est du métal, c'est de Lamb of God, puis ça va brasser. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. Ici Beta. Hey, wow, ta gueule, c'est moi qui parle en premier habituellement, là. Donc ici Alpha et Beta, vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, vous avez, comme je vous ai dit, ça allait un peu brasser. Et c'est une excellente chanson de Lamb of God qui s'appelait, et qui s'appellera toujours, évidemment, Walk With Me In Hell, que vous pouvez retrouver sur un album quelconque de Lamb of God. Je n'ai pas l'information sur moi, mais bref, une excellente chanson. Et là, mesdames et messieurs, il est temps de passer à notre deuxième bière, notre deuxième dégustation de la soirée. Et j'ai entre les mains un produit des gens de la microbrasserie Trou du Diable, qu'on aime bien. De Chaoui. De Chaoui. Et là, évidemment, le nom de cette bière s'appelle Chaoui Beach. Une bière qui était supposée d'être uniquement pour cet été. Mais finalement, elle a assez pogné qu'ils ont décidé de la garder à l'année. Là, j'aime bien l'étiquette. D'ailleurs, c'est déjà sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez aller voir. Ça fit. On parle d'une bière forte de plage. Une Lifeguard Strong Ale. À 6,5% d'alcool quand même. Et on nous dit, et là, je vais vous lire la petite description. Moi, j'aime toujours ça, lire ça. Surtout, les microbrasseries ont de l'inventivité. Donc, dessous les pavés, c'est la plage. Trois petits points. La Chaoui Beach est née suite à l'accablante humidité d'une journée de juillet. Il s'agit d'une bière ambrée et cristalline, on est rafraîchissant de pamplemousse blanc, de cèdre et de poivre long. Sa bouche, désaltérante, propose le même profil auquel s'ajoutent d'agréables notes de citron et de menthol, le tout s'étalant sur le palais comme le roi des vacanciers sous le soleil des tropiques. C'est une belle description. Ouais, ça donne soif, on va goûter à ça, M. Castegan, encore une fois, santé. Santé. Oh! Oh, c'est assez c'est quand même assez particulier. Mais tu sais, le cèdre, là... On le goûte. On le goûte, on le sent et on le goûte. Effectivement, quand j'ai canté le verre, j'ai eu le droit à une belle... Une bonne puff de cèdre. On goûte bien le pamplemousse aussi. Le pamplemousse? Le pamplemousse. Pamplemousse? Le pamplemousse. Les pamplemousse. C'est des pamplemousse. Peu cher. Mais oui, mais le poivre, par exemple, plus de difficulté à le trouver. Ouais, ben faut dire aussi quand tu as du cèdre et du pamplemousse. Un petit peu de citron aussi en dessert, comme il est inscrit. Ouais. Pas mauvais pantoute. C'est... Ouais, mais froid. Froid, oui, oui. Oui, on ne voit pas ça, température pièce, parce que... Non, d'ailleurs, tantôt, tu iras la reporter dans le frigo pour notre ami Louis-Étienne. Tout à fait. En attendant que Louis-Étienne arrive, on va quand même lui garder un peu de ce nectar. Quand même, c'est intéressant. Ça, c'est pas... par exemple, ça, c'est pas une bière que tu bois en grosse quantité. D'ailleurs, la ça bouteille... Se partage. Ça ouais, se partage. Ça se partage très bien. C'est dans le format à partager. Ouais, on parle d'un 600 ml ici, là. Oui, ça se partage bien. Dans une belle bouteille. Ouais, une belle bouteille, une belle étiquette, comme j'ai dit tantôt. Ça se partage bien, mais c'est ça, t'en bois pas six pintes. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça se déguste très bien, frais comme ça. Ouais, l'été, c'est un petit goût... C'est ça, c'est un goût d'été, encore une fois, comme bizarrement. Mais en fait, c'est ça, c'est pas, ouais, hein. Je vais réussir à y arriver. Voilà, c'était supposé rester seulement cet été, mais elle est là, comme tu l'as dit tantôt, pour toute l'année. Oui. Voilà. Voilà. Ça a été dit de façon distincte, bien articulée. Donc, c'est pour ça qu'effectivement... On a l'eau bière à boire tantôt. Oui, tout à fait. Donc, on a le goût quand même, le goût d'été qui revient. On le sent bien. Mais ouais, le goût de cèdre attaque. Oui. Ça, je dois le dire. Je vais même y regoûter. C'est pas du cèdre docile. Ça prendrait quasiment... C'est le fameux cèdre apprivoisé. C'est ça, le cèdre domestique. Le cèdre de haie. Non, c'est ça. Le cèdre de haie. La haie de cèdre, communément appelée. Ouais, là, ici, on a le droit à du cèdre. Il n'y a pas de haie. Non, c'est juste ça. Du cèdre. Ah, du bon gros cèdre en grosse poignée. Mais non, c'est franchement, c'est particulier, par exemple. Je n'haïs pas ça du tout. Mais c'est particulier. Mais moi, je mets ça dans ma catégorie des bières d'expérience. Ouais, tout à fait. Oh, oui. T'es un après-midi, t'es une fin de semaine, il fait beau, t'es avec des amis, t'as le goût de faire une petite dégustation de bière, d'où pourquoi je dis format partagé. Ouais. C'est une bière qui fait très bien dans cette catégorie. Ouais, tout à fait. Mais ouais, on va y aller comme ça. Tout à fait. Et on joue à quoi? Jouerais au jeu de quilles suédois, moi. Jeu de quilles suédois. De quoi tu parles? Ben, tu te rappelles pas, là, à la revanche, là, il y en avait... Oh, au Malky? C'est ça. Ah, OK, le genre de jeu de quilles sur gazon... Suédois. Suédois, ouais, ça, OK, au Malky. OK, ouais, ça pourrait, effectivement, ça pourrait se faire. Sinon, je sais pas, mais c'est sûr que ces temps-ci, je suis vraiment plus jeu de plateau. Ça fait une couple de semaines que des soirées entre amis, là, j'ai pas mal de mes amis qui ont comme « Ah, il me semble que je jouerais à un jeu », puis je suis pas mal plus là-dedans. Hey, d'ailleurs, il va falloir que je parle d'un jeu, je vais en parler tantôt avec Louis-Étienne, je sais pas s'il connaît. Mais ça pourrait, ça, ben, tu sais, tous les jeux comme ça, c'est encore une fois, je pense que je mettrais ça dans les jeux... légers. Ouais, encore une fois, les jeux légers, jeux de cartes. Puis là, vous allez peut-être me trouver bizarre, là, mais moi, depuis un petit bout, j'ai une envie de jouer aux cartes, mais là, pas aux cartes, à Munchkin, aux cartes, là. J'ai joué au trou de cul quand j'étais chez ma mère il y a à peu près un mois. J'ai trippé, on a joué 2 heures, puis j'en aurais rejoué 2 autres heures. J'ai vraiment eu du fun. Mais une petite game de ça, une game de trou de cul, ou les vieux jeux de cartes, le Milborn, Skibo, ouais, ces affaires-là, Skibo, Uno, ces affaires-là, c'est le fun. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Je suis comme un petit côté nostalgique qui remonte. Mais encore le jeu qu'on a joué qui était avec les souris. Le jeu avec les souris. Ouais, tu sais que t'as des cartes de 1 à 9. Là. Ah, Brave Rats. C'est ça. Oui, oui, oui. En fait, de 0 à 7. Petit jeu de bataille. Ouais, petit jeu de bataille avec un petit twist, là. Ça jouerait bien avec ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Jeu de cartes, ouais. Je pense qu'on serait dans les cartes avec cette bière-là. Une bière à partager, définitivement. La Shawi Beach. Combien de palmiers sur 10 tu donnerais à cette bière-là, M. Castegan? 7.5. Moi, de mon côté, j'irais vers le 7. Encore là, ça reste un bon produit, mais c'est particulier, par exemple. C'est une belle bière de dégustation. Je donne pas un 9 comme l'autre ou des choses comme ça. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je donne plus bas juste parce que, comme Mike, tu dis, c'est une bière d'expérience. Oui, mais de toute façon, des fois, on a parlé tantôt justement de la grosse poignée de cèdre qu'il y a dans la bouteille. En fait, by the way, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est une image. Maintenant qu'elle a respiré un peu, ouais, c'est moins pire. Oui, hein, c'est ça que j'allais dire. Après, une ou deux gorgées. Je dirais que ça serait une bière qu'il faut laisser décanter un peu. Tout à fait. On la laisse décanter. Respirez-la, sentez son arôme, mais laissez-la reposer un peu. Oui, tout à fait. Puis elle a le temps de réchauffer un petit peu, puis elle n'est pas plus mauvaise. Non, c'est ça, elle est très bonne. Très bonne. Donc, mais un 7.5. Je vais remonter à 7.5. T'as moins l'impression de manger une poignée de une poignée de 7 d'en face. Mais je remonte, ouais, je remonte à 7.5 à ton niveau avec cette gorgée-là que je viens de prendre, là, tout à fait. Après l'avoir laissé respirer comme faux, là. Bon avoir plan. Pris une première gorgée. Ouais, ouais, ouais, tout à fait. Donc, la Shawi Beach du Trou du Diable disponible. Très bonne microbrasserie, ouais. D'ailleurs. On avait goûté une espèce de bière au jambon fumé, là. Ouais, t'es pas mauvais, mais même moi, ça reste la Sandancre, la Sandancre, c'est la... La stout épique. La pitoune est bonne aussi. Ça fait trop longtemps. Il faut que j'y regoute. On descend à Shawi. Mais il va falloir aller à Shawi. Moi, d'ailleurs, j'ai un de mes oncles là-bas. Il faut que j'aille me trouver une raison d'aller le visiter. Là. C'est maintenant que tu m'en parles. Toi, on va monter là, puis on va aller boire de la Shawi. On va l'inviter. On va l'inviter, bien évidemment. Ça va donner une raison de le voir. Voilà. Et une place où dormir. Ouais, on va en avoir besoin d'une. Monsieur Castegan, oh, et là, j'ai un message de Mme Florence Lévesque. Justement, tu vois, tantôt, quand je disais qu'il y a du monde, peut-être du monde de mon comté d'origine. Eh oui, Mme Florence Lévesque de mon coin de pays qui me dit que parler de Saint-Denis de la Bouteillerie dans une conversation, faut être en forme. Donc, oui, je le suis. Donc, voilà. Merci et nous souhaite bonne émission. Merci beaucoup, Florence. D'ailleurs, on rappelle aux gens que si vous voulez communiquer avec nous lors des émissions, vous pouvez passer par la page Facebook de Puissance Maximale, nous écrire un petit message ou écrire directement sur le mur du groupe Facebook. Ou vous pouvez aussi nous écrire directement en studio. Au studio au commercial 969fm.ca. Voilà, puis on rappelle en même temps que le site internet de la station, c'est le 969fm.ca. Donc, vous pouvez aller visiter les profils des émissions, les grilles horaires également, tout est là. Si vous voulez communiquer avec les gens de la station pour proposer des émissions, vous pouvez contacter Manuel sans problème pour proposer des projets d'émissions. Tout à fait, là, il ne faut pas être gêné. Puis si vous avez des demandes spéciales de musique aussi, on aime toujours mieux par le Facebook, mais si vous voulez écrire à studio, on les prend aussi. On les prend aussi, tout à fait, donc gênez-vous pas. Si on a un petit dossier à notre nom, là, puis on... Voilà, mais les demandes spéciales musicales, des fois, c'est plus difficile de notre côté à l'émission, mais si vous en avez... vous voulez qu'on passe à une prochaine émission, ben... Non, c'est ça. On peut pas les faire live pendant l'émission. Ouais, parce qu'on on est... On en prend note. On a un setting serré, c'est pour ça. Mais vous pouvez toujours passer justement par la page Facebook de Puissance Maximale ou par le studio à commercial 969fm.ca pour vos demandes spéciales musicales ou questions pendant le show là, ou commentaires. Gênez-vous pas. Nous autres, ça va nous faire plaisir de lire tout ça et de vous répondre si vous le méritez, bien évidemment. Donc, prends pas si pour... vous le méritez. Non, c'est ça, ça se prend pas pour n'importe qui, le bonhomme. Non, mais tu sais, c'est rien de dire que nos auditeurs ne le méritent pas tous d'être répondus. Non. Non, ça... non. Je vais refermer même... ton micro. Ouais. Non, ça ferme ça, je suis trop t'as trop bu. C'est trop bu. Monsieur Castegan, il est 19h59, presque 20h, une heure déjà de puissance maximale de passé, et qui dit... mi-émission, dit pause de mi-émission musicale. Je pensais que c'était un cue, là. Ben oui, tranquillement, pas vite. Nous allons nous diriger vers deux chansons pour la pause. Et normalement, on devrait avoir un Louis-Étienne Dégagné qui devrait arriver dans pas très longtemps. Sinon, ben, après la pause, on dégustera notre troisième bière et Louis-Étienne arrivera. On ira en nouvelles. On pourra aller en nouvelles. J'en ai trouvé d'autres. On va continuer en nouvelle à ce moment-là. On verra. On va s'organiser pendant que vous écoutez de l'excellente musique. Et nous, on va continuer avec notre poutine administrative d'émission. Et pour vous faire patienter jusqu'à l'arrivée de Louis-Étienne, on va vous envoyer deux excellentes chansons, évidemment, puisqu'elles sont choisies par mes soins. On va y aller. On parle encore de bière. On va y aller avec la chanson « Amphibien » de Groovy Aardvark. Et tout de suite après, un de mes groupes préférés, une super découverte. J'en passe pas assez souvent l'émission, mais ils ont juste un album. Ça fait que... C'est faux, ça. Ben, ils ont... Ils en ont deux. Ils en ont deux. Ils l'ont acheté pendant leur show. Ouais, mais il y a comme un truc expérimental, mais c'est leur premier album, c'est le meilleur. Et ça s'appelle 12 Foot Ninja. Et on va vous envoyer tout de suite après, Amphibien, la chanson Ain't That a Bitch de 12 Foot Ninja dans vos oreilles. Tout ça à CJMDFM 96.9 Lévis. Oh, ouais, Tigui dit au ministre du Transport. Plisse les piétons. J'ai compris, mais monsieur Boiti, une table de concertation qui ne débouche pas sur des recommandations de resserrement de règlement, je n'ai jamais vu. On ne débattra pas des enjeux précis, mais est-ce qu'on peut convenir que l'État s'immisce de plus en plus profondément dans la vie des gens? J'aime bien, là. Mais... si on met pas notre petite main sur la petite rampe dans le métro, on peut avoir une amende. Là, le casse, moi, je suis absolument convaincu, c'est toujours plus de règlements, c'est certain que ça va arriver. Je comprends ce que vous me dites, par exemple. Moi, j'étais 28 ans dans la police quand j'ai pris ma retraite, là. Je trouvais l'occasion, là, comme citoyen de tous les jours, là, qu'on était pas mal réglementé. Oui, oui. Est-ce que je suis obligé de réglementer? Ma réponse aujourd'hui à moi, là, honnêtement, là, c'est non. Bon. Mon opinion, c'est que je pense pas qu'on est obligé de réglementer. C'est mieux d'avoir un casque. Parlez-en à M. Pelladeau. Oui. Parlez-en à M. Gaudreau. Oui. Si c'était une bonne idée d'avoir un casque. Politique correcte. Lundi au jeudi, non. 11 à 13. Vous avez besoin de plus de visibilité sur le web? Pensez à Production Newcom, une agence vidéo créative qui vous livrera une solution adaptée et sur mesure à vos besoins de contenu vidéo. Production Newcom, NU-COM. Pour plus d'informations, production avec un S, newcom.ca. Également sur Facebook, YouTube, Twitter. Je nage dans un rêve en couleur, parallèle et meilleur. La psychose et l'inhibition n'ont aucune définition. Le bonheur est sous-marin, loin des clameurs des terriens, les froids qui traversent les eaux cessent de surprendre. Dans les néons, flottons ensemble. Et on peut respirer dans l'eau. Nos gestes sont larges et gros. Et on communique sans parler. Tu crois qu'à l'échelle. Les profondeurs j'entends ce que tu penses. Dans ce silence, l'indifférence n'a plus de sens. On vit bien, on vit bien, on vit bien. Et la lumière dans son fragment, l'espoir du firmament. Et la quête d'aquatique remplace le fardeau du fric. Et le rêve est amphibien jusqu'au matin, le même refrain du quotidien. À la terre, aux bipèdes créatures étranges. Et même dans les rêves, je souffre. Mon malheur s'auto-engendre. Les algues sont plus vertes chez le voisin. Les poissons qui mangent dans ta main. Pour connaître les joies de l'hameçon. Les profondeurs. If it ever gets better than this. Mesdames et messieurs, il est l'heure des nouvelles ludiques à puissance maximale. Et oui, de retour à puissance maximale, vous avez entendu Amphibien de Groovy Aardvark et Ain't That a Bitch de 12 Foot Ninja. Et là, on a M. Louis-Étienne Desgagnés en studio. Salut Louis-Étienne. Salut. Ça va très bien. Ton micro n'était pas allumé. Mon micro n'était pas allumé. Bon, ben bonjour. Rebonjour. Là, ça va bien. Et là, on va pas parler tout de suite de jeu parce que là, tu es en train d'installer ça. Tout à fait. On va parler tout de suite après notre bloc nouvelle. On va parler du jeu de Rampage et aussi des trois listes. Les finalistes des trois listes. Oui, les finalistes des trois listes. 15 jeux en tout. On va parler de ça parce que c'est quand même assez important. Ben, c'est notre prix à nous autres. Au Québec. C'est ça. Donc, c'est vraiment... Puis c'est reconnu partout. C'est déjà montré en Espagne, en Corée, en Europe. Donc, c'est que ça doit... Il y a une certaine renommée, là. Non, c'est en plein ça. Ça fait que là, on est bien content d'avoir cette... tous ces finalistes-là sous la main. On va pouvoir en parler. Et entre autres, Rampage, j'en ai un de ceux-là. Effectivement. Et un autre jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est classé dans la catégorie enfant, mais que j'ai vu beaucoup d'adultes jouer et qui adorent, c'est Battleship. Mais que j'aime beaucoup, personnellement. Sérieusement, il y a beaucoup de jeux pour enfants qui sont classés enfants, mais qui sont fun à jouer. Pour être famille, facilement, là. Ah, pas facile. Nécessairement pour les enfants. Puis, regarde, prends une deux, Showy Beach, là. Ouais, là, c'est ça. Puis, les jeux pour enfants, ça peut devenir un challenge. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, as-tu goûté? Mais oui, j'ai goûté, effectivement. Ça a un petit goût... c'est bien du pamplemousse que j'ai détecté, c'est ce qu'on disait. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est sûr que toi, t'as eu le moins droit au goût intense. Ah non, mais je suis chanceuse, elle a décanté. Sérieusement, à vous avoir entendu, je suis heureux qu'elle ait décanté dans mon cas. Ouais, mais là, j'en ai encore un peu dans mon verre. Là. Je viens d'en prendre une gorgée. Puis non, c'est complètement une autre bière comparée à l'ouverture. Là. Et il n'y a pas de headset dans ma bouche. Donc, c'est vraiment le pamplemousse. Ouais, mais là, contrairement à notre première gorgée. Là. Mais la petite. En fait, c'est ça. Il y a le cèdre, mais tu sais, justement, ce petit côté encore acide, mais vraiment, on sent l'arôme du pamplemousse là, dans notre bouche. Ah oui, tout à fait. C'est lui qui prime, ouais. Oh, oui, tout à fait. Donc voilà, c'est dit. Donc on va te laisser préparer ça. Avec c'est cool, on a tous les petits bruits. C'est ça, on va avoir les droits aux petits bruits. C'est mais oui, vous êtes chanceux. On a l'ambiance sonore en plus. Ouais, ben. Fais-le un petit peu plus proche du micro là. Laisse tomber les meeples. Normalement, c'est à Rampage, c'est pas les meeples qu'on laisse tomber, c'est le dinosaure. Non, c'est ça. Fait que rien que pour les auditeurs. Oh, voilà. Wow. Attends qu'il y ait des mi-pôles en plus, ça devient plaisant. Oh, et c'est malade. Donc, on va te laisser monter ça. Nous, on continue. C'est bon. Bien, pendant que tu vas nous écouter, tu peux commenter, bien évidemment, avec les nouvelles ludiques. Monsieur Castegan, on peut... on peut faire un retour, en fait, sur une nouvelle dont on a parlé pendant, justement, l'émission du retour à CJMD. Que Blizzard annule son MMO Titan? Ouais, mais on pourra en parler peut-être un peu plus tard. Mais moi, je vais parler... J'étais prêt, là. On pourra y revenir. Ah, là, tu vois, on a Éric Lajeunesse qui vient de m'écrire. Et là, je n'écrirai pas tout ce qu'il écrit parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas à la radio. Mais il dit... 3 bières pendant que le chroniqueur n'est pas là. Puis en plus, il y a Rampage. Désolé, Éric. Mais j'ai tenu promesse. J'avais dit Rampage le mois prochain. Non, on est rendu ce mois-ci. Éric, c'est toi, là, avec tes formations puis ta job... Ben ouais, puis en plus, le dernier coup que t'es revenu après un moment d'absence, on t'a sermonné là-dessus. Et monsieur a décidé d'aller manger des burgers à Montréal. Ouais, c'est ça. T'as mangé des super burgers, puis nous, on boit de la bière. Nous autres, pendant ce temps-là, au lieu de manger des super burgers comme toi, on a mangé des pogo dans un Flavor Wave, OK? Voilà. Fait que, partie remise, monsieur Eric, et tu nous dois des burgers. Voilà, c'est juste parce que t'as posté une photo. C'est dit, mais ces burgers sont très bons d'ailleurs. On en a déjà mangé chez Monsieur Eric. T'en manges juste un. Oui, t'en manges juste un. Ouais, à ce point-là. Ah oui, c'est des burgers. C'est encore une fois des burgers pour hommes. Eric, c'est un homme. C'est un bon cuistot. Il sait calculer ses portions. En fait, la nouvelle dont je voulais parler, Monsieur Castegan, je voulais revenir sur les fameuses phablettes. Donc, ces téléphones, mi-tablettes. Maintenant, chez Apple, avec l'iPhone 6 Plus et aussi chez Samsung. Ah, OK, lui qui plie. Oui, tout à fait. En fait, parce que certaines personnes se sont rendues compte qu'effectivement, l'iPhone 6 se pliait. Et, comble de malheur, ce problème n'est pas couvert par la garantie d'Apple. Parce que sûrement qu'Apple ne le savait pas. Ta-ta-ta! Et je suis très sérieux avec ça. Moi, je vais juste me permettre de dire une chose. Vas-y donc. Vous mettez du plastique plus solide. Ouais, mais en même temps, c'est ça, avec cet air de téléphone qui n'arrête pas de s'amincir et de devenir plus grand, faut pas s'attendre non plus à ce que les matériaux deviennent résistants, tu sais, illimités. Mettre une Gorilla Glass. Ouais, mais c'est pas juste le Gorilla Glass là, qui importe là-dedans, il y a le reste du matériel aussi. Ça va quand même aider. Mais c'est dans ça. Quel film que j'avais vu ça, que c'était comme une feuille de papier, puis c'était impressionnant. C'est pas Minority Report? Ou ah, ça se peut très bien. Ouais, c'est ça. On est dû pour avoir quelque chose qui se plie, qu'on peut déplier, puis qui reprend Samsung sa forme. Samsung travaille là-dessus. C'est ça, là. Puis c'est pas juste une question de... C'est en forçant le téléphone, là, parce que il y a certaines vidéos sur YouTube qui sont disponibles. C'est vraiment des gens qui, là, je suis en train d'en regarder un, là. Ils sont vraiment en train de forcer, mais il y a vraiment des gens que seulement avec le téléphone dans leur poche, le téléphone s'est vraiment modifié, il a plié, tout simplement. Et, est-ce que je veux faire ma langue sale? J'ai le goût de faire une pointe. Une pointe à Apple provenant d'Andrew, qui l'eût cru? Cet homme qui est tellement de bonne foi. Je suis toujours de bonne foi. Ah oui, vas-y donc. T'as un oui ou un non? Vas-y donc. Samsung vont sortir l'écran qui se plie. Après ça, Apple vont le présenter à une de leurs conventions et tout le monde va dire qu'ils ont innové le marché. Mais là, ça en fait, je suis en train de regarder ça, puis donc, ça fait... T'as pas de l'air certain, Louis-Étienne, de ma déclaration? Non, j'aime ta déclaration. Moi aussi, merci. Je suis un peu comme toi. Je suis blasé du sensationnalisme que tout le monde... Mais je veux dire qu'avec le lancement de l'iPhone 6... Tu dis tout le monde, mais on parle ici surtout de nos voisins du Sud. Ben, je sais pas, au Canada... Ben, nous autres aussi. On parle de l'Amérique du Nord. Oh oui. Parce que si on regarde les proportions, c'est ici que c'est la plus grosse. Ailleurs, non, on en parlait, Apple vole pas haut. Ouais, mais c'est... Puis en plus, nous autres, on en parlait justement, justement à l'émission du retour à CJMD tantôt avec Manu. On disait que la mode du téléphone intelligent, 100% tactile... Tactile? C'est nord-américain et c'est Europe occidentale. Tu vas en Asie, il y a encore des flippers, puis c'est surtout des téléphones avec des claviers physiques pour le texto, mais c'est surtout ici là, que c'est la grosse mode. Puis en plus, les produits Apple au Japon... C'est moyen. Ben, la guerre, la fameuse guerre. C'est ça, c'est assez ordinaire. Là. C'est sûr et certain que... Tandis que tu as Samsung, qui est une boîte coréenne, qui est quand même proche du Japon, ils ont plus tendance à, t'sais. Mais bon, tout ça pour dire que, et du côté, là on parlait du iPhone 6 Plus tantôt pour justement le tordre le téléphone, et là du côté du Galaxy Note 3 chez Samsung, impossible de tordre le téléphone, même en exerçant le même genre de pression que sur l'autre téléphone. Donc, puis l'écran, il y a quand même, malgré la force appliquée, un bel affichage quand même. Puis moi, en fait, j'ai vraiment rien à dire parce que moi, mon téléphone, moi, j'ai le S4, Galaxy S4. Je l'ai échappé quelques fois par terre, pas dans la rue. Dans la rue. Il faut noter que t'as pas d'étui. J'ai pas d'étui. Je l'ai échappé souvent chez nous, par terre. Puis il y a jamais de coche qui s'est fait nulle part sur le boîtier, même pas sur la vitre. Sans faire, c'est vraiment des bons téléphones. J'avais le goût de dire la même chose pour le mien, mais malheureusement, la chose la plus inusitée a réussi à graffiner mon écran. Pas un furet. Non. J'étais chez un ami qui avait des chats. Ah. Et j'ai échappé mon cellulaire à proximité d'un endroit où le bac à litière est. OK. Donc, la litière a graffiné mon écran. Ah, ouais. Mais je l'ai échappé moi aussi plusieurs fois en le mettant accidentellement à côté de ma poche dans la rue. Et jamais l'asphalte a réussi à craquer ou graffiner mon écran. Même de la roche, dans de la gravelle, jamais, mais une granule de litière à chat réussie. C'est du sable. Que dire de plus? Non, c'est ça. Donc, mais tout ça pour dire qu'une autre mauvaise surprise pour ceux qui ont acheté cette phablette, justement, cet appareil qui est l'iPhone 6 Plus. Bref, soyez attentifs. Si vous l'avez déjà acheté, ben mettons, faites attention quand vous allez vous asseoir. Mettez pas ça dans votre poche arrière. Si vous avez des jeans serrés, mettez ça ailleurs que dans vos poches parce que ça risque de se plier. Monsieur Castigan, autre nouvelle? Oui, ben, je suis sûr que tu vas être surpris de la nouvelle que je vais te dire, mais Xbox One... Ah ben maudit! La sortie chinoise repoussée. Hein? Microsoft ont décidé de repousser la sortie chinoise. Attends un peu, il y a une sortie chinoise de... Ouais, t'es supposé de sortir le 23 septembre. Comment? C'était pas censé être asiatique d'un coup, c'est vraiment un pays. Non, ils ont fait. Non, mais tu sais, de base, ils l'ont fait au Japon. Déjà, en voyant la popularité au Japon, j'aurais fait on va laisser faire le lancement officiel. Mais c'est en Chine! Il y a plein de contrefaçons, puis il y a plein de versions piratées qui sont déjà disponibles depuis le lancement. Mais ils prennent quand même la peine de faire un lancement, non, au prix que ça coûte faire un lancement. C'était supposé d'être le 23 septembre, sauf que Microsoft, à la dernière minute, on parle ici vraiment le 22 septembre, à genre 11h49 dans la nuit, là, ils ont annoncé qu'elle est repoussée, la sortie chinoise de cette console, à quelque part d'ici la fin de l'année. Ben, tu sais, la fin de l'année, ça s'en vient pas mal vite, là, septembre, octobre, novembre. Y a-t-il une raison officielle? Non, c'est ça. Non, il ne donne aucune raison exacte à ce report. On est un peu cave. On est en train de réviser nos affaires. Je sais pas, hein, sans faire ce... Je sais pas qu'est-ce qui leur passe par la tête de faire un lancement en Chine, là. Déjà que celui au Japon, c'était pas viable comme idée, mais en Chine. Ouais. Bon, la population est plus importante, je peux pas y croire, là, mais est-ce que le marché est nécessairement plus important? Je ne le crois pas. Bref, tout ça pour dire que mauvaise idée, Microsoft. Autre nouvelle, M. Castigan. L'Oculus Rift passe en version 3. Tan, tan, tan, tan, tan. Hey, d'ailleurs, parlant de l'Oculus Rift, je suis tombé sur une vidéo, mon gars, des plus hilarants. C'est mère qui danse tout nu. Non. Sur... OK, en fait, ça a un lien avec les nouvelles. Okay. Tout à fait. C'est un... Je me rappelle pas, je pense que c'est à Taïwan. C'est un gardien de sécurité dans un centre d'achat. T'as un kiosque d'un développeur de jeu qui fait tester l'Oculus à plein de monde, dont à ce gardien de sécurité-là. Puis le gars, il jase avec, puis il l'essaye, puis c'est un simulateur de montagne russe. Là, ça commence, le gars, il penche par en arrière, puis il est là... Puis là, évidemment, ça plonge. Lui, il part par en avant, puis il se plante tête première, la face à terre, parce que lui, il était ben trop dedans. Fait que, tu sais, le monde qui dit, tu sais, la réalité virtuelle, ça a ses limites. Ouais, mais c'est quand même assez solide. Puis, tu sais, on l'avait testé, mon Piendrou, dans une version bêta, nous autres, hein, qu'on avait testé. La première version, même pas HD. Que j'ai eu du motion sickness juste à cause de ça. Pis c'était déjà, c'était déjà très impressionnant, là. Fait qu'imagine, c'était impressionnant, mais à cause du flou que l'écran donnait, ça m'a donné du motion sickness, malheureusement. Non, c'était déjà, ouais, c'est ça, à cause de ça, c'était moins le fun un peu, mais imagine maintenant, tout en HD, comment ça doit être impressionnant. Faut que... Je me relance. Il faudrait trouver une autre façon de le tester. On pourrait en avoir un, tu sais. Mais il n'était pas à Montréal dans le temps. Une équipe de développement? Pas une équipe de développement, un peu le bêta en tant que tel. Ils ont testé le bêta. Ils l'ont testé un peu partout, en fait. N'importe quel studio de développement qui voulait avoir un kit de développement. En fait, quelqu'un qui ne développe pas, qui veut en avoir un, il peut l'acheter s'il veut. C'est okay. Ça. Nous, même à l'émission, on aurait pu l'avoir, c'est quoi, 300 pièces? C'est ça, je vais te dire. C'était comme ça. En tout cas, à l'époque, c'était autour de ça. Puis ben là, nous autres... C'est 350$. Donc, tu as la possibilité de l'acheter si tu veux. Mais, en même temps, quand tu n'es pas développeur, ça limite un peu tes possibilités de test, mettons. Tout à fait. C'est que, tu peux continuer avec tes nouvelles. On a fait un grand détour, mais... Ben, en fait, c'est que l'Oculus Swift intègre la vision 3D et tout ça, mais il y a une chose que l'Oculus Prise 2, il y a une chose que l'Oculus Rift n'offrait pas, et c'était le son. Donc, la version 3 de l'Oculus Rift intègre la technologie RealSpace 3D qui permet d'avoir un son surround adapté à la réalité virtuelle. Oh! Là on est une autre coche en avant. Et on parle aussi d'un design plus peaufiné. Et aussi, les dalles d'écran grimpent à une résolution de 2560x1440. On est au-dessus du Full HD. Là. Avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Voilà! Merci donc, beaucoup, quelque chose que l'œil humain ne voit pas. C'est ça. Mais ça va peut-être atténuer le motion sickness. Effectivement. Ah, ouais. Monsieur Castegan, avant de passer à la peut-être une dernière nouvelle avant qu'on passe à la pause musicale et ensuite à Monsieur Louis-Étienne. Ben en fait, c'est une nouvelle rapide où Kickstarter a fait l'adoption de nouvelles règles pour la protection des donateurs. Oh! Intéressant. Donc, Kickstarter, avec son succès grandissant, a décidé de se mouiller un peu parce qu'il y avait de plus en plus de projets qui posaient problème. Donc, on parlait d'arnaque pure, des échecs ou des personnes de mauvaise foi dans le projet. Kickstarter ont décidé d'adopter des nouvelles clauses qui vont permettre d'offrir des solutions de remboursement aux donateurs qui se sentent floués dans un projet qui aurait mal terminé ou encore n'aboutirait jamais. Ah, c'est bon ça, excellent. C'est vraiment une... On en a parlé il n'y a pas si longtemps en plus de ce problème-là, justement avec les Kickstarters, avec entre autres l'histoire de la salade de patates. Je trouve ça vraiment... Louis-Étienne ne sont pas au courant de l'histoire de la salade de patates. Non, je ne suis pas au courant de la salade de patates. Ben, c'est un gars qui avait décidé de poster un projet de « je veux faire une salade de patates » sur Kickstarter. J'en ai entendu parler vite demain. Puis a ramassé 55 000 piastres. Je vais aller chercher le montant exact. Ça m'a beaucoup, beaucoup frustré. 55 000 pour une salade de patates. Ouais, je trouvais ça... 55 492 $. Tu sais, moi, j'étais pas fâché après le gars. Moi, j'étais fâché après le monde qui ont donné pour ça. Je trouve ça vraiment ridicule. Est-ce qu'il y a eu des plaintes par la suite? Ou... Pas ce que je sache. Non. Non, les gens ont fait « OK, c'est drôle », puis... Tandis qu'il y a des beaux projets sur Kickstarter, Indiegogo, ça fait de même, qui ne reçoivent pas une christitienne. T'as du monde qui dépense... de l'argent là-dessus, j'ai trouvé ça un petit peu... Je dois louanger quelque chose, par exemple. Le gars, au fur et à mesure que le phénomène a augmenté, il a dit « on va faire un party, on va louer une salle, tout ça », il a tenu promesse. Au moins, j'ai regardé les updates pour le fun là, du projet, puis il a vraiment donné une adresse. Il est écrit là, c'est dans 6 jours, vous êtes excités, voici le planning, le troc de bouffe arrive à telle heure. Puis il était genre toutes ces affaires-là. Il y a quand même... Au moins, ça c'est cool. Puis, j'étais pas au courant, je trouve ça le fun. Puis il a donné de l'argent à la Columbus Foundation. Ah. L'excédent d'argent. Excellent. Ben, c'est cool. C'est beau. Je suis en paix avec ce projet maintenant. Il ne devait pas se douter que ça allait faire cette non, j'imagine bien. Non, mais il avait pensé à la télé américaine, puis effectivement, il disait qu'au début, c'était une blague, c'était une expérience sociale qu'il voulait faire. C'était un principe de « Ah, si je pars un projet de même, ça va aller jusqu'à où? » Ben, c'est allé jusqu'à 55 000 $ et 55 000 $. C'est pour ça qu'à partir de demain, Puissance Maximale va vendre des pets en pot-maçon. Voilà. Voilà. On va faire ça, comme ça, on va ramasser de l'argent pour l'émission. Bref, voilà. Je regarde l'heure. J'en parle tout de suite. On va parler rapidement de Blizzard. Parce que on va avoir la paix. On va parler que de jeux, de plateau et de bière avec Louis-Étienne. Écoute, le MMO Titan de Blizzard a été annulé. Nous, on en a parlé un peu. Titan rejoint Warcraft Adventures et Starcraft Ghost. Ça faisait 7 ans. Ouais. Blizzard travaillait sur le projet. Tout à fait. Donc, qui a subi une refonte massive l'année dernière, ce MMO-là. C'est d'ailleurs suite à ces profonds réajustements que les studios auraient finalement préféré laisser tomber le jeu. C'est ce qu'explique au site Polygon Mike Morcam, le patron et cofondateur de Blizzard. Et je cite, « Nous avions créé World of Warcraft et nous étions vraiment confiants sur le fait que nous savions que des MMO... Que nous savions faire des MMO, voilà. Donc, nous nous sommes mis à développer la chose la plus ambitieuse possible, mais cela n'a jamais vraiment marché. Nous n'y avons pas trouvé le fun. » C'est mal traduit, ça. Donc, on vous rappelle que la plupart des trucs de jeux vidéo, on prend ça sur jeuxvideo.com, puis ils traduisent des trucs, puis là, c'est mal traduit, mais bon, tout ça pour dire. « Nous n'y avons pas trouvé la passion. Nous avons décidé de soumettre le projet à une période de réévaluation, et finalement, nous sommes plutôt posé la question de savoir s'il s'agissait vraiment du jeu que nous voulions développer. » La réponse est non. Je trouve ça un peu... Ben, je trouve ça correct en même temps que ça soit annulé. Ils ont fait « ça marche pas », puis qu'ils nous poussent pas ça sur le marché, puis là, « ah, un nouveau produit Blizzard », puis... Finalement, ce soit un jeu médiocre ou incomplet. Mais je trouve ça quand même drôle que ça ait pris 7 ans de voir que finalement, ça marche pas leur projet. Ben, ça a quand même pris moins de temps que StarCraft Ghost. Ouais, quand même. Mais bref, de toute façon, ils ont d'autres succès, entre autres Heroes of the Storm et Hearthstone qui sont déjà des gros succès. Là, je suis surpris d'une chose, par exemple. Normalement, le StarCraft 2, des Protoss, on serait supposé en entendre déjà parler. Ouais, puis... Zéro puis une barre. Non, il n'y a rien qui sort. J'ai hâte de voir, mais ça fait un bout d'ailleurs. Ça fait un bout qu'on n'a pas joué à StarCraft. Je suis tout seul, man. C'est lancé, Andrew. Avec quel temps? T'as-tu vu la quantité de jeux rétro que j'ai? Ouais, il faut se faire un petit gaming maintenant, je commence à avoir une collection intéressante. Ouais, là. C'est ça. Il faut que je me lance dans le N64. Et là, en plus, ben, le magasin que je peux pas nommer, mais qui sait qu'un jour, peut-être... Ouais, on pourrait leur proposer. J'en ai déjà parlé. Mais c'est... pas cette année, il a dit l'année prochaine. Mais ça fait pas longtemps qu'il est ouvert. Six mois. C'est un nouveau, on peut en parler, là. On fait pas de la pub toutes les semaines d'eux autres. C'est la gang de Rétro Révo à Québec. Qui est un YouTuber d'ailleurs, qui veut partir sur un nouveau projet de chaîne. On l'invitera à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est un nouveau magasin qui est ouvert il y a pas si longtemps. Très sympathique, le gars. Il disait, ouais, et puis moi, ben là, t'es allé, là, ce qu'on me dit, il y a du bon stock à bon prix. 744 aussi, Wilfrid Amel, voilà. La personne se trouve. Je vous avertis, c'est un magasin de connaisseurs. C'est, vous n'allez pas là pour faire du lèche-vitrine et faire comme je me demande c'est quoi les nouveautés. Vous n'allez pas trouver ça là. On est là, c'est ça, c'est collectionneur. Faut être là pour être collectionneur. C'est la collection. On cherche de quoi de précis. Le gars, il est très gentil, il a une belle collection. Par contre, c'est pas le magasin que vous allez avoir la plus. Si vous voulez vendre des jeux, avoir une bonne valeur de revente, attendez-vous. Faut que vous ayez les bons jeux. C'est ça. Tout à fait. Sinon, il va être honnête, il vous donnera pas des pinottes, il va vous dire je suis pas intéressé. Non, c'est ça. Ben c'est correct. C'est de la discussion collectionneur à collectionneur. Voilà. Monsieur Castegan, il est temps de repartir en pause musicale et ensuite on revient avec Monsieur Louis-Étienne et Rampage. Et on va parler aussi des finalistes des trois listes pour cette année. Aussi également là, avec Louis-Étienne. Et on va y aller avec une chanson de notre ami, en tout cas le mien et celui d'Éric Lajeunesse, Monsieur Bernard Adamus, qu'on aime beaucoup à l'émission, et avec sa chanson « Arrange-toi avec ça ». Je l'aime aussi, Bernard. Bon, ben voilà, c'est notre ami. Tu l'aimes-tu, Bernard, toi aussi? Je ne le connais pas. Ben, accroche tes oreilles, ça part drette là, à c'est puissance bon. Maximale, sur les ondes de CJMDFM 96.9. Lévis, ah ouais, Bernard! Pour du contenu vidéo professionnel destiné aux réseaux sociaux et au web, Production Newcom est la solution. Obtenez jusqu'à 50 fois plus de chances d'apparaître dans les premières pages de moteurs de recherche. Création, conception, réalisation, conseil sur la web diffusion. L'équipe de Production Newcom vous accompagne dans toutes les étapes de votre projet. Peu importe votre domaine d'activité, nous avons les idées qui vous démarqueront de la compétition. Pour vos vidéos sur Internet, un nom à retenir. Production avec un S, newcom.ca. Quand ils regardent pas, ils vident les tiennes. Tu montes dans le trou, mais une autre dans le chemin. N'est-ce À puissance maximale, on teste des jeux de plateau. De retour à puissance maximale, mesdames et messieurs, vous avez entendu Bernard Adamus, puis arrange-toi avec ça. Et de retour avec M. Louis-Étienne Desgagnés, avec qui on va parler jeu de plateau. On va commencer par ça, en fait, parce que là, je viens de poster sur la page Facebook de l'émission des images du jeu duquel on va parler. Rampage. Ça s'appelle Rampage. D'ailleurs, je veux clarifier quelque chose avec toi, Louis-Étienne, en partant. Évidemment, on parle de Rampage, on pense tout de suite au jeu d'arcade. On pense au jeu qu'il y avait sur Nintendo, sur la NES à l'époque. C'est le même principe. On est des monstres, on détruit des trucs. Mais là, ils vont rééditer le jeu, je pense, sous un autre nom. Ah oui? Ah, ben, tu vois, je voulais vérifier avec toi. Mais j'étais pas au courant pour la réédition du jeu, si c'est ça. Ben, je te l'apprends, en fait, parce que d'après ce qu'on m'a dit, de sources pas mal sûres, en fait, des amis communs qu'on a, Michel et Danny à la revanche, qui m'ont dit que ça allait être réédité à cause du nom. Ouais, à cause de certains problèmes que le nom évoque, justement, avec l'ancienne série Arcade. Donc, ça se peut que ça change de nom. Tant mieux. Tant mieux si ça les a poussés à créer un jeu, parce que j'espère qu'il va sortir dans les médias que j'ai chez nous. Ouais, mais je sais pas s'ils vont le rééditer au complet, s'ils vont avoir une deuxième édition, ils vont juste, genre, les prochaines fois qu'ils vont les faire, ils vont juste changer le nom. Mais bref, ça a surveillé. J'ai mis des photos sur la page Facebook. Regardez à quoi ça ressemble. C'est un jeu de manipulation. C'est un jeu de manipulation. Le but, oui, donc, Rampage, c'est édité par qui, d'ailleurs? On va lancer c'est ça tout de suite. Repos. Désolé, mais il fallait que j'aille chercher la boîte qui était juste à côté. Mais Repos Productions. OK. Donc, le jeu en tant que tel tourne autour du 35$. Il est vraiment pas dispendieux. 35-40$, ça dépend des endroits. Pour le matériel qu'il y a, là, c'est du bon, en plus, c'est du bon matériel. On parle de c'est bois, vraiment... on parle beaucoup de bois, beaucoup de pièces en bois, beaucoup de pièces en carton. Le jeu est en trois dimensions, donc des belles pièces. Les dinosaures qu'on contrôle, les fameux monstres. Ouais. Monstres. Sérieux, c'est du bonbon. Oh oui. C'est du solide, c'est du bien fait. Le but du jeu... Parce que c'est là qu'on tout le monde veut savoir c'est quoi le but du jeu. Tout à fait, c'est ça. On veut manger des meeples. Qu'est-ce que sont les meeples? C'est les petits pions qu'on voit dans Carcassonne. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Carcassonne, c'est des bonhommes, bras, tête, jambes, un peu des stickman, un peu plus gonflés, un peu ballonneux. Et ils sont faits en bois également, c'est superbe. Donc le but, c'est celui qui mange plus de petits bonhommes. On va appeler ça de même. Et qui détruit aussi les bâtiments. Ah ben oui, parce qu'il faut détruire les bâtiments. Comment on détruit les bâtiments? C'est la partie plaisante. On prend le dinosaure ou le monstre et on le laisse. Il faut rester assis sur... Mais c'est ça qui est plaisant. On reste assis. Donc, on ne peut pas se monter sur la table ou se donner un élan. Et on le laisse tomber du haut de notre bras. Et le dinosaure tombe sur le board. D'habitude, on ne veut pas que les jeux... Il y a des choses qui tombent sur le board. Mais là, c'est le contraire. Dans le jeu aussi, on veut que ça tombe, que ça fasse tomber, détruire le plus d'éléments. Parce que les éléments sont en trois dimensions. Si vous allez voir les photos sur le site web, là, vous allez voir les buildings sont en trois dimensions. Les meeples tiennent les étages un par-dessus l'autre. Puis il y a un stade au milieu, il y a des bâtiments, il y a des jacuzzi, il y a de tout. Il y a des véhicules aussi. Oui, les véhicules, on peut leur donner des pichenottes pour détruire encore plus. Oui, c'est ça, c'est comme si nos monstres les lançaient sur... Tout à fait, des autobus scolaires, camions de crème glacée, camions de pompiers, on le prend, on se rend... OK, là, Louis-Étienne... On pichenote. Tu veux que je te pichenote quelque chose? Il va falloir que tu pichenotes quelque chose. Je vais vous pichenoter quelque chose. Regardez-moi bien aller. On va le mettre à un endroit propice parce que j'étais un peu loin de mon profit. Je prends l'autobus scolaire. J'ai des enfants, j'en profite. Et là, on place en fait là, le pion de l'autobus scolaire sur la tête du monstre. On le place comme on veut, tant que ça reste sur place. On tient le monstre, donc je vais tenir le monstre et je vais pichenoter en espérant faire du dégât. Je vais baisser le micro pour qu'on entende. Ah, c'est bon, c'est mon petit plaisir personnel. Donc. Ah! Et j'ai tiré trop. Et donc, on n'a rien entendu, tout simplement, parce que l'autobus a passé. Moi, je suis au-dessus des bâtiments. J'entendais mon cue. J'ai entendu de quoi, moi? Dans mes écouteurs, je sais pas. J'ai entendu de quoi, mais je m'attendais à quelque chose tomber. Désolé. Ben, on pourrait peut-être y aller avec le monstre qui tombe à ce moment-là. Ouais. Parce qu'on peut. En fait, les actions qu'on peut faire. Je vois. Le plaisir. Si tu me l'offres, je vais le faire certain. Regarde, il y a un beau bâtiment ici. Là. Mets-le au-dessus de ton bras. Là. On va faire ça comme ça. 1, 2, 3. Et voilà! Et voilà! Il a mangé plusieurs meeples et détruit le toit d'un building. Ouais! À la Rampage. Et voilà, j'attendais mon cue. Non, c'est ça le truc du jeu. C'est que on peut se déplacer, on peut détruire des... quand on est assez proche des buildings, on peut détruire ça avec notre monstre. Et se déplacer, c'est une histoire de pichenotte, encore une fois. Aussi. Donc, on sort nos vieux talents de pichenotte qu'on a tous appris par nos grands-parents et on pichenotte notre monstre. C'est vraiment une rondelle de bois qu'on pichenotte. Il faut que ça touche un bâtiment et on peut casser les dents des autres dinosaures qui sont nos adversaires, les monstres. Et là, par exemple, il y a du monde qui va se dire « Ouais, mais là, pichenotte, on envoie ça n'importe où. » Non, on peut pas défaire puis envoyer nos bonhommes en dehors du plateau. Là. Non, il faut aller toucher les bâtiments parce que pour détruire un bâtiment, il faut pouvoir y toucher avec notre rondelle en bois. Si on y touche, là, on peut jeter notre dinosaure et faire le plus de dégâts possible. Et là, c'est ça. Si, disons, on envoie notre rondelle qui représente les pattes de notre dinosaure en dehors de la carte, on a des pénalités, on perd des dents, en fait, c'est comme nos vies. Oui, c'est nos vies. Ben oui, puis non, c'est ce qui nous permet de manger. Le plus de monde possible, c'est ça. C'est plus que tu as dedans, plus que tu peux manger du monde. Fait que là, si vous allez en dehors du plateau, vous en perdez. Si vous faites trop de niaiseries, finalement... Si vous tirez, vous détruisez un bâtiment puis sort en dehors du plateau, vous avez même pas de points. Donc, faut que ça reste sur le plateau. C'est du contrôlé. C'est le défi aussi, parce que, tu sais, on est dans un jeu de destruction, mais faut quand même... garder ça sur le plateau. C'est un dégât contrôlé. Voilà. On évite le dégât de collatéraux. Et on a tous, évidemment, des cartes. Ils seront sur le... J'imagine sur... Oui. Il me semble que j'ai réussi à les prendre dans le cliché. C'est le fun parce que les cartes, il y en a une trentaine par catégorie. Puis on choisit le monstre qu'on a. Il va avoir un caractère. Dans les caractères qu'on peut avoir, notre monstre peut être timide, il peut être méchant, il peut être séducteur. Donc, c'est vraiment une petite facette humoristique. Et ça donne des pouvoirs, ça donne des choses. Oui. Ça donne des points. Ça nous dit quoi faire dans la partie pour avoir encore plus de points. On a des pouvoirs et on a un super pouvoir secret. Ça, c'est la seule chose que les autres ne savent pas. Mais le caractère, les pouvoirs, on sait tous qui a quoi. Okay. Le super pouvoir secret, c'est spécial et personne ne le sait. Habituellement, je pense qu'il y a un pouvoir qu'on peut utiliser juste une fois dans la partie. Souvent, oui. Okay. Mais il y en a, ça dépend. Mais oui, effectivement, si je regarde... protège dents, donc ça te permet de protéger une dent qui serait brisée par un adversaire ou un tir de pichenotte trop puissant, comme j'ai fait avec l'autobus. Avec l'autobus, d'ailleurs, oui. C'était trop puissant. Ah oui, j'étais fébrile, je voulais vraiment te détruire, mais non, ça passait par-dessus, trop fort. Non, c'est ça. Puis là, il y a aussi une autre action qu'on peut faire, je pense, c'est souffler. Oui, j'avais oublié, c'était tout à fait, mais ça, faut faire attention. Soit que tu l'as, soit que tu l'as pas. Ouais. Ça, c'est la seule affaire qui est la touchée. Si tu as un grand souffle, tu prends une grande respire et tu souffles de toutes tes forces comme le loup sur les cabanes des trois petits cochons. Ah, voilà. Et tu fais tomber le plus que tu peux. Mais t'as raison, je l'avais oublié parce que le monde en général, il se garde une petite gêne. Est-ce que j'ai mangé de l'ail pour souper? Est-ce que j'ai un bon souffle? Mais quand on joue, il faut utiliser toutes les possibilités qu'on a sous la main. Il n'y a pas de mauvais coup et toutes les stratégies sont bonnes. Voilà. Donc là, on a. En plus, c'est ça, là. Vous allez voir sur la photo. Matériel très intéressant, belle qualité, coloré. Le prix est bas. Oui, le prix Sérieux, est bas. Je suis impressionné et je suis vraiment content. Non, c'est ça, c'est un super jeu. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer. J'ai vu des gens jouer à ce jeu-là. J'étais à la revanche. Mais moi-même, j'ai pas eu l'occasion de jouer en tant que monstre. Mais déjà là, ça valait. Que ce soit avec la famille, les amis, des enfants, ça se joue à tout niveau. C'est ça. D'ailleurs, tu me disais que tu avais vu deux enfants jouer avec leur père. Ouais, c'est ça. Puis même le papa avait vraiment, mais vraiment du fun. Là, c'était ça pas vient nous chercher. C'est des monstres. Ben oui, c'est sûr. Quel être humain ne serait pas touché par un monstre qui détruit tout? Qui veut manger un édifice et les gens qui et y les résident. Gens. Et c'est surtout les gens. Oui. Là, on parle d'un 2 à 4 joueurs. Oui. On peut prévoir combien de temps environ pour une partie? Pour une première partie, on parle environ une heure. Ouais, mais sinon, selon le taux de destruction, la rapidité des joueurs, on parle entre 30 et 45 minutes. Oui, mais c'est ça, parce qu'il faut quand même monter le plateau. Oui, une fois que le plateau est construit, 30 à 45 minutes. C'est ça, ça va bien. Oui, oui, oui. Puis les règles, c'est vraiment pas compliqué. C'est 4 pages, 4-5 pages. Ça s'explique très facilement pour l'avoir fait, là, sans farce. Faut pas... c'est vraiment pas compliqué et c'est très, très, très plaisant. Effectivement. Le jeu, honnêtement, lire les règles, là, vous savez, la plupart... Il y a beaucoup des jeux qui paraissent impressionnants, que c'est tu passes ta soirée à lire les règles, puis tout le monde est prêt, mais tout le monde s'en va. Celui-là, là, 2 minutes à table, tu regardes les 4 pages, merci, bonsoir, t'es prêt à commencer. Excellent. Donc, on vous parlait du jeu Rampage, disponible dans vos bons magasins de vente de jeux. Autour de 35$, tu disais? 35 à 40 selon les boutiques, oui. Donc, à vérifier, et surtout à aller essayer. Monsieur Louis-Étienne Desgagnons, on va parler maintenant des trois listes, le prix québécois du jeu de société, du jeu de plateau. Et là, c'est la 6e édition, c'est-tu ça? C'est probablement ça. Oui. Je dirais ça comme ça, il est moins quart. On pourrait peut-être en parler en même temps qu'on goûte la 3e bière. Écoute, je te lance là-dessus, mon cher Andrew. Je m'en vais la chercher. Tu peux aller chercher cette 3e bière, une une triple IPA, une triple IPA belge qui s'en vient, des brasseurs générales. Donc, on avait déjà goûté certaines de leurs bières qui étaient une Scotch Ale très, très bonne. Mais là, une triple IPA qui s'en vient. Donc, oui, la sixième édition des Trois Lices. Tout à fait. Voilà, c'était pour les nouveautés qui étaient disponibles entre le 1er août 2013 et le 31 juillet 2014. Et là, comment ça fonctionne? Il y a trois catégories. Il y a trois catégories. Il y a la catégorie enfant, famille. T'as la catégorie passionné, qui est vraiment un peu plus poussée. Puis l'intermédiaire entre les deux, qui est la catégorie grand public. Voilà, voilà. Puis là, on a cinq finalistes par catégorie. Effectivement. Il y a au-dessus de 143 jeux qui ont été testés dans cette période. Et les finalistes, il y a plusieurs jurys. Les jurys ont déterminé pendant une fin de semaine de temps lesquels jeux. Ils ont testé tous les jeux. Ma foi, c'est un travail de titan pour l'avoir vu. J'ai une jury que je connais, qui est d'ailleurs m'a incité à en parler aujourd'hui. Julie Chartier, je la salue. C'est elle qui a dit « C'est l'émission pour parler des jeux. » J'ai fait « Effectivement, ben oui, on va en parler. » Elle a bien fait. Et là aussi, juste pour le nommer comme ça, on a Normand Damour, qui est porte-parole et président d'honneur à vie, on dit dans le dossier de presse, qui est, ben, on le sait, comédien, joueur passionné et aussi connu comme étant le copropriétaire du Randolph Pub Ludique à Montréal. Effectivement. Et un autre membre qu'on connaît, M. Michel Bédard, ancien membre de Puissance Maximale, il y a de ça quand même quelques années, mais qu'on connaît aussi comme un des copropriétaires de La Revanche, un des cofondateurs des Journées Ludiques et aussi des Trois Lices, carrément. Donc, salutations à Michel, mais aussi à tous les jurés qui ont participé justement à la sélection et des finalistes de ces Trois Lices. On va également nommer Catherine Goldschmidt, qui est la personne qui dirige les ficelles dans l'ombre. C'est grâce à elle qu'on a ça année après année. Moi, je trouve ça vraiment le fun qu'au Québec, on ait un prix comme ça, que ce soit pas juste à l'international. Tous les autres pays en ont un. C'est finalement, tu sais, on en a un. Puis même, à ce que j'ai cru comprendre, le Protégez-vous, des fois, se réfère à ces listes-là pour faire leurs revues, les fameuses revues où ils font des suggestions. Des suggestions cadeaux dans le temps des fêtes. Oui, ils prennent certaines de ces idées-là, à ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est Ils font bien parce que là, il y a quand même quelques très bons jeux là-dedans que moi, j'ai eu la chance de tester puis que j'aime beaucoup. Entre autres, Battle Sheep, qu'on parlait tantôt. Est-ce qu'on y va avec les cinq de chaque catégorie? Allons-y, Monsieur Desgagnés. Pas de problème. Donc, pour les listes enfants, où on est tous des petits-enfants dans le cœur. Hein? Ben oui. Pour nous également, Battle Sheep. Battle Sheep, c'est un... Tu y as déjà joué, hein, n'est-ce pas? Oui. C'est comme la première fois, on a joué ensemble. C'est vrai. Donc, c'est un terrain modulaire. Donc, on peut changer le terrain à chaque fois. C'est des tuiles qu'on place qui fait notre terrain. Et c'est comme un jeu de dames, si je peux Le but, c'est de sauter par-dessus les moutons et bloquer l'adversaire pour plus qu'il ne puisse bouger, bref. Voilà. Donc, beaucoup de rejouabilité, un jeu simple, un jeu 7 ans et plus. Suite à ça, on a la Kakuracha. La Kakuracha, qu'est-ce que c'est? La Kukaracha. La Kukaracha, j'ai mal... La coquerelle. La coquerelle, effectivement. Le but, c'est de rentrer... On a chacun une cuisine, puis on veut que la coquerelle rentre dans notre cuisine. Pourquoi? J'ai du mal à comprendre, mais c'est un jeu qui, en gros, c'est un nano-robot qui marche avec des batteries. Okay. Et honnêtement, c'est la partie folle du jeu. Le robot, une fois qu'on l'active, il s'en va dans toutes les directions et c'est un labyrinthe qu'on peut bouger. On peut bouger tous les murs du labyrinthe. Et le but, c'est de s'en aller, de pousser la coquerelle à venir chez nous. Et ça nous donne des morceaux de fromage, si je ne me trompe pas, ou du moins des jetons de victoire. Et le but, c'est d'attirer la coquerelle le plus souvent chez soi. Le robot... bouge en titi. OK. Excellent. Dans les autres jeux, on a Fun Farm aussi. Oui. Vas-y. Oui, je l'ai Fun Farm en plus. Mes enfants adorent Fun Farm. C'est des personnages qui sont dignes de Angry Birds. OK. C'est comme des gros toutous en mousse. Et c'est un jeu de rapidité. Donc, le but du jeu en soi, c'est de ramasser, on tire des dés, on a des couleurs, c'est de ramasser le plus vite possible le toutou qui correspond à la couleur. Pour avoir joué avec mon frère, c'est un jeu qui peut devenir violent. OK. C'est un jeu de contact. Ah, OK, excellent. Là, je suis en train de voir le temps, Louis-Étienne. On ne pourra pas décrire tous les jeux, malheureusement, mais rapidement, on a aussi les trois petits cochons dans le Lys enfant et Vite, cachons-nous. Oui, qui est une histoire de cachette de loup sur table. Excellent. Et là, avant de passer rapidement aux autres jeux, juste présenter la bière qu'on goûte présentement. Donc, la Turbo Belge. Une propulsée au houblon québécois, une triple India Pale Ale. On nous parle d'une douceur qui marie la douceur épicée de la triple belge et la vigueur de l'amertume de la IPA. avec un goût de miel. Et là, moi, j'ai eu mon nez qui s'est présenté dans le verre et j'ai senti le miel tout de suite. Goûte également. Orge, houblon, bière, ouais, évidemment, là, mais orge, houblon et miel québécois. Donc, santé, messieurs. En fait, on va lever notre verre aux trois lisses. Oui. On a trois verres, ça donne bien. Hein? Ça tombe bien. Et numéro un, oui. Tout à fait. Donc, santé aux trois lisses. Une belle sixième édition. On va souhaiter qu'il va en avoir tout plein d'autres. Donc, santé, je goûte à ça. Oui, ils sont en train de préparer la septième, d'ailleurs. Quand même. C'est bon. Toi, il n'est pas une fan d'IPA. Ouais, pour moi, je ne suis vraiment pas. Le pire, c'est que je disais à la blague tantôt, je disais, hey, une triple IPA, on peut rester bête. Ça peut-être qu'elle goûte pas l'amertume de la IPA. Ben, le miel. Le miel, le grâce sucré. Au miel. C'est le miel. C'est le miel qui fait la différence. On le goûte. Ouais. Je sais pas, c'est peut-être moi, les gars. J'ai comme un petit arôme de fumée là, qui me vient en bouche aussi. C'est peut-être moi, là. C'est peut-être toi. Moi, j'ai plus un goût de caramel. Moi, c'est le moi, caramel. C'est ouais, sucré. C'est ça. Un goût sucré, oui. Ouais, c'est ça. Ben, ça doit être avec le miel puis tout que ça se mélange. J'avais comme un coup de butterscotch un peu. Voilà. Ouais, c'est lancé comme ça. Donc, les listes grand public, on a concept. Concept. Rapidement, comme ça. C'est un jeu où il faut trouver des concepts. Ah, OK. Donc, on a des icônes. On met nos pitons sur les icônes. Il faut que les autres trouvent. Un genre de fais-moi le dessin en concept. Ah, excellent. On a Love Letter aussi. Que j'avais amené. On pourra peut-être mettre des images plus tard. Ouais. C'est un jeu japonais. OK. C'est, le créateur est japonais. C'est un jeu hyper simple. Un peu comme Brave Rats. OK, oui. Rapide, concis. Ça joue en 10 minutes. Je recommande à tous. Excellent. Au pire, on pourra peut-être le ramener le mois prochain ouais, pour qu'on puisse en parler. Ben, je ferai ça, oui. On a Miniville. Miniville. Et Rampage, qui est dans le grand public aussi, dont on vient de vous parler. Rapidement, Miniville, c'est un jeu de construction de ville. Donc, on tire des dés et on se fait de l'argent donc pour acheter notre ville. Ah, voilà. Et finalement, Splendor. Splendor. Un jeu de collection de gemmes pour faire des points. Donc, il faut ramasser des joyaux. Excellent. Et on passe aux listes passionnées. 5 jeux, malheureusement, j'en ai pas joué en aucun. J'ai tous joué, ouais. Sérieux là. Il y a le premier c'est Android Netrunner. Netrunner. C'est un jeu de cartes qui joue à deux. Ok. Cyberpunk, Shadowrun. Oh. La Matrice, exactement ça. Donc, un pirate informatique, les Black Eyes, gardiens, on essaie d'éviter. Donc, le pirate essaie de gagner, la défense, superbe jeu. Il y a des expansions. Donc, c'est un peu un mix de jeux de cartes et un MTG, comme on appelle, le trading card. Mais c'est pas du trading. Donc, on achète les expansions, on fait notre deck et on joue un contre l'autre. Excellent. Bruges. C'est un jeu de construction, donc un jeu de ressources. Donc, on prend nos bonhommes, on fait des ressources et le but, c'est de faire des points. Il y a plusieurs façons de faire des points, des canaux, investir dans des personnalités spéciales, et etc., des bâtiments. Excellent. Troisième jeu, Maître Couturier. Là, je vois, je lance ça comme ça là, rapidement, mais dans liste passionnée, il y a sur 5 jeux, il y en a même 4 qui viennent de la gang des Philosophia. Effectivement, ça, là-dessus, c'est solide. C'est du solide, ouais. L'autre, c'est de Final Fantasy ou Fly Fantasy. J'oublie toujours le nom. En fait, c'est Edge, l'éditeur de Android Netrunner. Ouais. Okay, excuse. Bon, et voilà, je me sens corrigé. Maître Couturier. Maître Couturier, le jeu est un... Nous sommes des maîtres couturiers dans la Renaissance et on fait des robes de bal pour hommes et femmes dans la Renaissance. Encore là, c'est un placement de travailleurs pour faire des points. Donc, on fait des statues, on fait des robes. Et c'est de faire le plus grand bal avec des feux d'artifice. Ah, c'est bon. Sérieux? Ah, j'aime le concept. Sérieux, c'est étonnant. J'ai fait jouer ma belle-mère qui n'a jamais joué à aucun jeu. Et elle a trippé le lendemain, me parlait de stratégie. Ah, tu vois. Non, mais il faut faire découvrir des jeux comme ça à des gens qui sont pas habitués. Moi, j'ai fait découvrir Cardline. C'est tout simple. Puis dans un party de famille, le monde a trippé. Puis c'est pas du monde, normalement, qui joue à ce genre de jeu-là. Ils ont vraiment adoré. Oui. Mice and Mystics. Les anciens se souviendront de HeroQuest. Oh oui! Donc, c'est un nouveau style de HeroQuest en Mice and Mystics. Donc, on incarne des souris. OK. Et le but, il y a des quêtes. Les histoires sont superbes. Ah oui? Ah oui, c'est superbe. Oh, que je vois. Ouais, il va falloir que j'aille essayer ça. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'étais un jeu. Moi, d'ailleurs, Michel, la revanche, m'a vraiment appris hier que moi, j'étais un gars de jeu à thème. OK, il oh, bon, oui. ben, faut que tu l'essayes. Ouais, il faut voir que il y a même une expansion qui existe qui s'appelle le cœur de Glom. Ah, il faut que effectivement, il faut que j'essaye ça. Et le dernier, et non le moindre, Russian Railroads. C'est un jeu qui a beaucoup déménagé cette année. OK. Sérieux, lui, il a parlé beaucoup de lui-même. C'est un jeu, encore une fois, le but de construire des trains et de faire des... c'est un placement de travailleurs. OK. Un peu à la style Maître Couturier et Bruges. OK. Mais c'est un jeu où on peut avoir des points astronomiques. Malheureusement, je ne l'ai que vu. Je l'ai vu en tant que spectateur, mais c'est un jeu qui, ma foi, semble très prometteur. En tout cas, si tu mets la main dessus, si tu as la chance de jouer, évidemment, tu nous amèneras ça à l'émission. Mois prochain. Ah, ben, pas de problème. Garde ça sous, bon. Dans ton sac. Justement, ma femme, le fouet craque pour que je l'aille. Donc, ça va être une question de temps. Bon, ben, excellent. Merci beaucoup, Louis-Étienne. Ça fait plaisir. De nous avoir parlé des trois listes. Donc, voici, c'était les nommés. Les finalistes de cette année. Donc, voilà. Et là, c'est au mois de novembre que les gagnants vont être... 23-24 novembre au salon. Notre premier salon, le salon du jeu à Montréal. Excellent, donc ça va être un beau rendez-vous. On va en parler aussi de cet événement. Ouais, c'est Ludo Québec qui organise ça, donc. Excellent. Bon, ben c'est sûr qu'on va en parler à Puissance Maximale. Le temps venu, Monsieur Castegan, c'est déjà la fin de Puissance Maximale, mais avant de. Faut coter la bière. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. J'ai ça sous la main. En plus, c'est une 9%. On n'est vraiment pas allé doudou aujourd'hui là. C'est de la bonne bière qu'on a bu là. T'as manqué quelque chose comme première bière, Louis-Étienne. C'était quoi? Bière au canneberge, ouais, c'est ça, bière au canneberge, 10% d'alcool. Oh! Mais non, ça goûtait pas l'alcool, ce 10%-là ne se sentait pas du tout. C'était une bière hautement dangereuse. Ça se buvait comme une... Vendre des décharges. Ouais, c'est ça, décharges légales. Il devrait faire signer des décharges quand il vend. Bière trop traître, mais pour cette bière, écoutez, j'ai parlé beaucoup, moi, j'ai pas eu le temps d'écouter. Donnez vos notes pendant que j'y regoute. Ben, je dirais que je suis quand même impressionné pour une triple IPA, mais je suis j'étais un peu déçu pour une triple IPA. Je m'attendais à une bière beaucoup plus amère que ça. Plus conservatrice. Oui, ben c'est à cause que moi, j'aime bien les IPA, mais tu sais, dans l'optique où je veux juste en boire une. Tu sais, quand j'arrive, je dis « Ah, je vais boire une IPA, tout ça. » Puis là, je me disais « Ah, une triple, on va être en business. » Puis là, j'ai même pas l'impression de prendre une IPA. L'amertume est là. Elle est là, mais ouais. Le miel est tellement présent que... En tout cas, de ton côté, Louis-Étienne, tu lui donnerais combien, disons, d'abeilles sur 10? Du butterscotch. Je donnais des butterscotch. Ah, vas-y donc. Parce que c'est le goût. Sérieux, Andrew m'a convaincu. C'est du miel, mais ça goûte le butterscotch, pour vrai? Honnêtement, à cause de ça, je vais lui donner un 9 sur 10. Oh! On est rentré dans ses cordes. Honnêtement, les IPA, c'est pas dans mes cordes, mais celle-là, je dois lui donner. Un 9. Excellent, monsieur Castegan. Moi, ça va être en 2 notes. Oh, vas-y. En frais de bière, je vais aller avec un 8. OK. Parce que je trouve que c'est une très bonne bière. Par contre, en frais de triple IPA, étant conservateur moi-même de ce goût, j'y vais y aller avec un 5 ou un 6. Excellent. De mon côté, j'irai d'un 7. Parce que ça reste la IPA, je suis vraiment pas fan. Le miel vient sauver la mise. Ben, je suis pas sûr que j'en boirai une au complet. Mais c'est quand même le goût. Une au complet, oui. Ah. Puis moi, je ne suis vraiment pas fan des IPA. Ben, tu dois l'être plus que moi. Merci beaucoup, Louis-Étienne, d'être passé à l'émission pour nous avoir parlé de Rampage et des trois listes. Merci beaucoup. Ben, bonne destruction à tout le monde. Oui, on va se lancer là-dedans, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, M. Castegan, d'avoir été là. Un plaisir. Merci à la gang du Dépanneur Tout Près qui nous a fourni ces super bons produits cette semaine encore une fois. Ben, merci quand même à Eric. T'étais là mentalement. Ouais, un support moral. Un support moral via Internet. Et mon ami, Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là pour vous parler jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site Internet, le www.puissancemaximale.com. Lancez-vous sur ce site pour écouter nos anciennes émissions, les podcasts, les entrevues. Sinon, allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale, vous allez nous trouver très facilement. Aimez cette page pour avoir le plus d'informations possibles sur l'émission, les nouvelles et aussi certains articles qu'on fait suivre via le fil Facebook pour vous informer. Mesdames et messieurs. Et on vous rappelle en fin d'émission, comme à chaque semaine, de passer une excellente semaine de jeu! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify, it's D&D! Virgins, till the day we one, two, three, four, die!